Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CJMD FM 96.9 Lévis. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, content d'être là. Mon nom est Mickaël Michaud, votre animateur, pour vous parler jeu, bien évidemment, d'univers ludique et de toute la geekitude du monde. Et je suis accompagné, bien évidemment, de mon collègue de toujours, M. Andrew Castigan. Bonjour, M. Michaud. Ça va bien? Ça va bien, je m'en replace. Ouais, on a eu un petit problème de diffusion tantôt, mais tout est réglé, évidemment, pour l'émission. Et grosse émission encore cette semaine, mesdames et messieurs, un autre 2 heures bien remplies, parce qu'on va voir M. Louis-Étienne Desgagnés plus tard dans l'émission pour venir nous parler d'un jeu qui s'appelle Wiz War, donc plus tard dans l'émission, sûrement dans la deuxième heure. Malheureusement, Andrew, encore une fois, Eric ne peut pas venir faire sa chronique bière et jeu cette semaine, ce mois-ci. On est très triste. Déception. Faut le dire. Mais on va s'arranger pour qu'il soit là au moins la semaine prochaine. Il faut que j'en parle avec Eric. Là. C'est des. Évidemment, c'est des causes là, de travail. La façon que ça s'enligne, on va t'avoir une méchante chronique bière quand il va venir. Ouais, mais là, on peut pas dépasser deux sortes parce qu'on l'a fait à trois puis c'était trop. C'était trop. Mais là, on va être rendu à 8. À 6, tu vois ça. C'est ça, je disais. Non, mais c'est à cause que la troisième fois, c'était double. Ah, voilà. C'est une règle non écrite. C'est la fameuse règle d'Andrew non écrite. Mais ouais, effectivement. C'est la Irish Rule. La Irish Rule, c'est ça. Mais non, effectivement, il va falloir se rattraper avec Eric, mais c'est pour des bonnes raisons, là, des questions professionnelles. Mais on va s'arranger pour avoir Eric le plus rapidement possible à l'émission. Mais on a quand même quelqu'un très intéressant pour le remplacer, chronique bière. Bon. Quand j'étais un bouche-trou, là. Tout à fait. Et là, celui que vous entendez, c'est M. Luc, alias Luduc. Salut, Luduc, ça va bien? Salut, Mickaël. Merci pour la belle invitation. Ben, ça fait plaisir. Puis là, avec toi, Luduc, cette semaine, on va parler de toi, en fait. On va parler de ton univers de YouTube. Et aussi d'une prochaine saison de tes capsules qui s'en viennent. C'est en plein ça. On est vraiment content de ce qui s'en vient. Puis en plus, tout au long de l'émission, on va avoir des top 5 reliés à YouTube. Sauce ludique. On va parler de chansons les plus parodiées. Oui. On va parler des modes virales qu'on a retrouvés sur YouTube dans les dernières années. Parce qu'il y a bien des gens peut-être qui connaissent ces modes virales-là sans savoir que ça a été viral. Donc, et pourtant, ça existe. Découvrir, c'est ça. Il y en a qui sont moins populaires. C'est-tu qu'est-ce que ça me rappelle? YouTube, hein? Non, mais qu'est-ce que Ludu va faire? Il y avait un chroniqueur avant ici qui faisait des tangentes du web. Là. Oui, le docteur Raymond Poirier. Okay, qu'est-ce qui est arrivé? Il est mort, c'est quoi? Ben non, malheureusement, okay. Il avait d'autres projets. C'est malheureux, mais t'as encore vivant. Est-ce qu'elle est la sortie soudainement? c'est ça, malheureusement, docteur Poirier, non. C'est une très, très, très belle chronique que docteur Poirier faisait, mais malheureusement... D'autres projets professionnels ont fait qu'il n'a pas pu continuer avec nous. Mm-hmm. Mais là, c'est ça, Dr. Poirier faisait ça, les grands phénomènes du web, en fait. D'accord. C'est ce qu'il faisait. Et là, on va parler de mode viral. C'est le grand Dr. Luduc. Ouais, c'est ça. Je suis docteur pour la soirée. On va parler de mode viral, on va parler de musique et de tes YouTubeurs préférés. C'est en plein ça. At large, bien évidemment. Ouais. Donc, tout au long de l'émission, on va voir ça, Monsieur Luduc. C'est en plein ça. En gros, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je vais en parler plus tard, mais j'ai décidé de faire un top 5 de mes coups de cœur. Et par contre, ça va être avec des petits... je me suis mis des petites règles, par contre, parce que sinon, il n'y aurait pas eu assez de place pour toutes les mettre. Là. Excellent. Donc, plus tard dans l'émission, on va parler de tout ça. Et bien évidemment, en début d'émission, comme à notre habitude, on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, pour écouter toutes nos anciennes émissions, podcasts, entrevues et autres. Bien évidemment, si vous voulez écouter la station CJMD, on a un petit module sur place pour l'écouter en direct, comme la plupart des gens le font présentement. Donc, vous pouvez aussi, et on... Beaucoup de personnes le font présentement. Oui, effectivement. Je vois ça, là. Ça... On a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. J'espère qu'on ne perdra pas le contrôle de la page Facebook. En tout cas, pas comme la semaine dernière, hein, Mickaël? Non, c'est ça, tu sais, il n'y a pas eu de niaiserie. Non, il y avait juste du monde professionnel. Oui, c'est ça. Mais justement, cette fameuse page Facebook, mesdames et messieurs... Elle commence déjà. C'est la page Facebook de Puissance Maximale. Vous tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche. Vous allez nous trouver très facilement. Vous appuyez sur le bouton « J'aime » parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs. Mais grâce à cela, vous aurez la chance de participer à tous nos concours. D'ailleurs, à la fin de cette émission aussi, les gagnants de la semaine passée seront nommés, bien évidemment, donc pour le kit Pikachu de Pink Vivi et aussi pour les billets pour la revanche. Mais, mesdames et messieurs, avant de commencer toute cette belle émission, nous allons débuter par une pause musicale déjà. Mais c'est parce qu'on vous aime tellement. Et évidemment, comme à notre habitude, vous venez de souper, il est 19h. Peut-être manger un peu lourd. On va vous réveiller, mesdames et messieurs, avec la gang de Dance, Laurie Dance et la chanson Killer Shark. Ouh. Dans vos oreilles, à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9, les Villas. Hammerhead! Hello, this is Alfie of Sakura River, and you're listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale, mesdames et messieurs, après la gang de Dance, Larry Dance et la chanson Killer Shark. J'aime bien ça, moi, hard rock de même, ça me donne envie d'aller faire de la moto dans le sud des États-Unis. Avec des côtes en cuir, là. Ouais, c'est ça, même planter en sortant du pont parce que je chauffe pas. Les maudits nids de poule. Non, c'est ça. Et là, mesdames et messieurs, nous sommes accompagnés de M. Luduc et de un de ses acolytes, M. JC. On l'a pas présenté tantôt, je me disais, on se sentait coupable. Ouais, fais des tatas, JC. Allez. Non, c'est on le voit pas là, mais il fait des tatas. Non, c'est ça. Il est seulement intéressant quand il fait des tatas. Ouais, parce que non, il faut le dire. C'est joke. Oh non, oh non. Voilà, la sortie est là-bas, JC. Non, mais c'était juste pour te dire que maintenant que t'as fait ben, ça, tatas, l'émission. Oh, c'est ça, okay, salut. Mais excuse-moi, Luc. Non, ça. Il faut que t'avoues une chose à tes fans. Oh non, non, non, non. Tu vas pas dévoiler le poteau rose drette là, toi là. Ben, écoute, c'est dans le. Non, non, il faut garder la magie. Qu'en ce moment, je porte une perruque en ce moment, puis. Ben, ouais, c'est à cause que Luc, t'as déjà posté des selfies de toi en studio. C'est vrai, je me suis trahi moi-même. Bravo. Ouais, bravo, champion. Parce qu'il faut dire que lors de la dernière émission, il y a deux semaines, en fait, quand Luduc prévoyait sa venue dans nos studios, il a dit qu'il allait venir en Lindsay Lohan. Regarde, je crois que j'étais ivrogne la fois où j'ai écrit ça, je crois. Il avait trop bu. Mais je tiens à m'excuser auprès des fans, ça ne se reproduira plus. Des fausses promesses comme ça? Ouais, des fausses promesses. Mais par contre, je songe à devenir politicien un bon jour. Ah, d'accord, Et voilà. Et voilà, j'ai de l'avenir à ce qui paraît. T'as de l'avenir parce que le monde y ont cru jusqu'à maintenant, malgré les preuves évidentes. C'est comme si, mettons, j'avais été élu. Que tu l'avais pas fait. Ouais. Mais là, Luduc, parlons maintenant de matière. On va arrêter de parler d'esthétisme. De Lindsay Lohan. De Lindsay Lohan parce qu'elle ne mérite pas vraiment qu'on parle d'elle. Non. Monsieur Luduc et Monsieur JC, vous êtes parmi ces gens qui confectionnait des vidéos sur YouTube à différentes saveurs, bien évidemment. Mais là, ma première question ira à toi, mon cher Luduc. Qu'est-ce qui t'a passé par la tête? Pourquoi? C'est ça. Pourquoi YouTube? Puis là, c'est la question que je pose à toutes les personnes que je connais qui font des vidéos sur YouTube. En quoi, toi, tu t'es dit, moi, je vais réussir à faire des vidéos différentes, puis assez te motiver pour justement être rendu à arriver à une quatrième saison là, de Capsule? Ouais, c'est assez étonnant parce qu'on arrive à une quatrième saison, mais il n'y a pas de déclic qui va partir une personne à dire « Ah, ben moi, je vais faire ça, puis je vais tout le temps en faire régulièrement, puis tout. » Mais non, le pire là-dedans, c'est que ça a vraiment parti sur un coup de tête. Ça a commencé avec ma première visite à l'Otakuton. J'étais avec des amis, j'étais avec ma sœur. Moi, mon but, c'était de ne faire qu'un seul vidéo. Okay. Puis après ça, je me disais, moi, après ça, j'arrête ça, puis je vais continuer mes projets. Parce que dans le temps, je faisais beaucoup de web-séries. OK. Puis, Luke Boy, exemple. Hein? Luke Boy, exemple. Ouais, Luke Boy. Il y avait les graphistes qui étaient comme une... J'aimais ça, moi, les graphiques, je les ai tous écoutés. Sérieux, t'aimais ça? Ben ouais, oui. C'était bon. Puis c'était là où, justement, la danse de la victoire, pour les gens qui connaissent les reportages, est partie. C'est la danse de la victoire a commencé avec ça. Puis genre, je dansais sur une toune de Rick Ashley, pour les personnes qui le savent pas. C'est ça, ça a commencé comme ça. C'est au moment où le vidéo est sorti, je pense que c'était quelque chose comme une semaine ou deux plus tard après l'Otakuton, quand j'ai vu les vidéos, est-ce que ça a atteint les 1000, 2000 en l'espace d'une semaine. Pour un gars qui n'est pas connu du tout. Non, c'est ça. Puis qu'il y a du matériel cheap, on va le dire, parce que sérieusement, tu regardes le premier vidéo que j'ai fait de reportage. En 360p. Je criais. J'avais une petite mini DV, une petite mini DV, même pas HD. Et c'était... il y avait un micro intégré. Fait que là, t'entendais tout le son de la foule. Puis c'était ça, comme... Ça. Fait que là, pis ton cosplay, comment il t'a coûté? Non, tu sais, ça marche pas, là, tu sais. Fait que... C'est que c'est un coup de tête. Puis là, ça fait... On est rendu à une quatrième saison. Tu t'en libres? Hein? Ben, ça en prend quand même. C'est juste l'émission, moi, je l'ai souvent dit aux gens qui me posent la question, votre émission, comment ça prend de temps? Ça prend quand même une couple d'heures par semaine, même en comprenant les 2 heures d'émission. Fait que c'est beaucoup de travail, mais là, ça prend combien de temps, justement, une capsule? Parce que là, il y a bien des gens qui disent, plein de youtubeurs, genre, je prends Antoine Daniel, qui est très connu pour son What the Cut. Le monde chat, tu sors pas assez de vidéos. Mais les gens doivent savoir que faire des vidéos, ça prend beaucoup de temps. C'est plus important que du audio comme nous autres. Ouais, non, c'est ça. Les autres, on n'a pas besoin de se faire du brushing, de se maquiller. Non, non, vous autres, vous pouvez rester lettre, il n'y a pas de problème, ça paraîtra pas. Non, en fait, non, mais... on peut faire de la radio en bobette. Voilà. Non, mais c'est à cause que qu'est-ce que les gens savent pas, c'est qu'en ce moment, on est en bobette. Hein, n'est-ce pas, messieurs? Voilà, voilà, messieurs. C'est ça, il n'est pas en linsé. On est tous en bobette, par exemple. Voilà, c'est ça. Et voilà. Mais non, c'est ça, c'était juste... je venais justement de donner l'exemple de What the Cut avec Antoine Daniel. Lui, il a fait des recherches. Fait que, tu sais, ça s'ajoute en plus à son temps montage. Compter le temps de montage, compter la scénarisation qu'il a faite. Faire... Puis en plus, ces vidéos sont de plus en plus avec des chansons, des sketchs, des effets spéciaux. En plus, ça prend du temps, ces affaires-là. Mais le temps qu'on va prendre sur une vidéo va toujours dépendre du concept qu'on a en tête. Je peux témoigner directement pour mes vidéos, faire un reportage, faire le tri des prises. Parce que moi, de mon côté, quand je fais un reportage ou quand je fais une capsule, habituellement, je me sers peut-être du un tiers de mon matériel. Parce que, regarde, on en filme du footage pendant qu'on est... ça t'en prend pour les restants. Là, on a JC là, qui a caisse dans son, dans son coin. Ouais, c'est ça. Attends une minute, je vais dépoussiérer JC. Attends une minute. T'es-tu correct? Ouais, c'est correct. OK, correct. C'est bon. Fais des tatas juste pour dépoussiérer. Parfait, merci. Fait que... Il continue à parler, laisse-moi pas JC parler. On va... Je vais arriver à toi après, JC. Ouais, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Fait que, moi, je te dirais qu'habituellement, ça prend quelque chose comme 8 heures pour un reportage. Si on prend, par exemple, Luduc versus les Pokémon, qui est un concept qui est tout récent de la saison 3, ben là, ça prend un petit peu plus de temps. Là, on parle de l'enregistrement, de la scénarisation. Là, encore là, on embarque dans quelque chose d'un petit peu plus profond. Fait que, je te dirais peut-être une bonne douzaine d'heures facile. En plus, c'est ça, toi, tu fais pas tant de vidéos chez vous, c'est lors d'événements. C'est ça. Donc en plus, là-dedans, il faut compter tous les temps de déplacement pour se rendre là-bas. Ouais. Puis, on peut en parler de ça, les temps de déplacement. Nous, et les négociations. Là. Ouais, c'est ça, parce qu'en plus, nous, ça, habituellement, c'est pas trop compliqué. On arrive là, on fait des entrevues avec notre enregistreuse, puis on s'en va. Mais là, pour filmer, c'est pas toujours aussi facile. Il faut trouver les locations aussi. Puis il faut trouver le monde qui soit disponible. Oui, c'est ça, parce que tu parles quand même beaucoup au monde sur place. Tu parles pas juste aux invités dans les événements. Tu t'accroches les festivaliers directement. Ouais. Tu peux pas. Je t'y ramasse. Totalement avec une j'ai zacote, puis je fais comme parle. Non, mais tu sais. Ouais, justement, il faut pas faire ça. C'est pour ça que c'est long. C'est ça. Non, pourquoi il fait ça avec moi quand j'étais en pantoufle dans un hôtel à Gérard? Ouais, je l'ai fait la dernière fois, mais c'était juste une fois au chalet. Parce que toi, t'es pas du monde, c'est pour ça. Ah non, j'étais pas du monde. Un Pokémon pantoufle. D'ailleurs, j'ai une question de quelqu'un du web pour toi. Donc. Luduc, c'est de Mitsuki Kensei qui dit... Oh non, je veux pas y parler à elle. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est bon, on saute la question de bord. Non, c'est pas vrai. Elle a écrit « Quoi, vous vous maquillez, que voudriez-vous améliorer dans vos vidéos? » Oh, c'est gentil, ça. Qu'est-ce qu'on aimerait... Non, c'est comme un compliment caché. Oh, vous avez pas besoin de vous maquiller, vous êtes tellement beau. Oh, merci Mitsuki. Regarde, je vais ronronner avant d'aller me coucher, je pense. Puis, que voudriez-vous améliorer dans vos vidéos? Ça, c'est la question. Qu'est-ce que quoi? Mais en fait, pour vrai, tu te maquilles-tu? Dans tes vidéos, pour parce que parce que là, moi, je t'invente des... Ouais, mais t'es pourri, en fait. Non, c'est correct. Non, mais est-ce que tu te maquilles... Parce que parfois, il faut le faire avec la caméra. Est-ce que tu te maquilles et présentement, qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans tes vidéos? Tu sais, tu regardes ce que tu as déjà fait, tu fais ça, il va falloir le faire différemment. Ouais. Ben moi, c'est sûr que pour répondre justement à la question de Mitsuki, oui, parfois, parce que moi, je suis quelqu'un qui a la peau un peu grasse. Fait que il y a peu de personnes qui le savent, là. Je parle On a des potins de YouTubers. Il y a personnes qui le savent. Là. Maintenant. Il y a plusieurs personnes qui savent que t'as pas grosse là en ce moment. Non. Mais maintenant, ils savent. Ouais. Ça, je pense qu'on est des millions qui écoutent. Là. Fait que, non, mais c'est à cause que je suis quelqu'un qui, quand je vais manger gras, ben, ça va commencer à apparaître au travers des semaines. T'sais. Fait que moi, je me suis comme donné la mission de, en l'espace... Je me donne tout le temps comme un petit délai de 2 semaines que je fais attention à ce que je mange. Je n'irai pas dans le junk food. Pis, c'est sûr que je n'irai pas à l'extrême de manger de la salade. Pas le droit, mange de la luzerne. Non, mais tu sais, c'est... Faut faire attention. Faut faire attention. Ouais. Fait que, tu sais, je me prive de cheese, je me prive de tout ce qui pourrait être trop gras. Fait que... Qu'est-ce qu'on fait pas, nous autres? Non, mais c'est ça, on fait pas de vidéo, nous autres. ça règle le problème. Mais est-ce que des fois, t'es obligé de recourir au fond de teint? Oui. Ouais. Oh, j'ai pas le choix parce que des fois, je peux me ramasser avec des grosses plaques. À un moment donné, je me rappelle un tournage qui était au Comic-Con et je me suis ramassé avec un gros bouton sur le front. Il a fallu que je patche tout ça. Ça va pas d'allure. Pas le choix. Fait que j'ai sorti le buffer. puis ça s'est réglé. C'est ça. Mais effectivement, lorsqu'on fait des vidéos dans le genre-là, on veut que ça soit le plus professionnel possible, on n'a pas le choix de recourir à ce genre de choses. C'est tout à fait normal, d'ailleurs. Et très professionnel de ta part, et monsieur Luzuc. Ben, c'est parce que je veux pas que les gens vomissent quand ils regardent mes vidéos. C'est gentil pour j'ai une attention digestive pour leur part. Ah, c'est bon, c'est bon. Puis là, la question, oui, l'autre question, c'était, pour le moment, là, qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans tes vidéos? Je pense que c'est plus le niveau matériel. C'est-à-dire que, de notre côté, le matériel, puis aussi les opportunités. C'est-à-dire que là, on est en train de travailler pour peut-être sortir un bon jour de la province de Québec. C'est pas qu'on s'ennuie, là, c'est pas ça qu'on veut faire, là. C'est que, pour la saison 4, on en parlera tantôt, mais en grande ligne, c'est que... je suis en train de te kicker ça, moi, là, les scoops. Mais c'est à cause que... Pour le futur, on aimerait ça peut-être aller un petit peu plus loin, dépasser les frontières, des choses comme ça. Fait que ça serait dans nos plans, peut-être améliorer notre matériel. Ça demande des fonds, on ramasse notre argent. Non, mais là, je t'ai donné peut-être un truc. Ouais, c'est... Hein? J'ai peut-être donné un conseil là-dessus pour l'argent. Je t'ai dit, Andrew, vendre mon corps, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une option. Mais non, mais tu t'as juste à sortir le buffer, ça va marcher. Okay. Je vais me déguiser en Lindsay Lohan. Mets tes cheveux comme tes reportages avec un nœud papillon. Voilà. Puis je dis, donner un dollar, c'est gratuit. Mais non, mais effectivement, je pense Andrew, t'avais quel site t'avais parlé? Patreon. Patreon, ouais, voilà. Je vais t'envoyer ça immédiatement sur ton message, par message privé Facebook. Mais même si tu sais, j'aimerais juste dire aux spectateurs que même si on gagne pas une scène, on a toujours du plaisir. Ben oui, sinon, c'est comme nous autres. On le ferait pas, là, c'est ça. Fait que, tu sais, nous autres, on fait pas ça pour l'argent, on fait pas ça pour le fame. Regarde, moi, au début, quand j'ai commencé à faire ça, c'était pas pour genre, regardez-moi. Non, c'était juste pour, on montre quelque chose, puis on montre une nouvelle passion. Puis je pense que JC va être d'accord avec moi sur le fait, tout de ton côté, comment tu trouves ça, justement, les reportages? Ben, c'est le fun, mais c'est aussi, si on le ferait pour le cash, c'est pas la même c'est pas la même mentalité que tu vas avoir, c'est pas le même résultat que tu vas avoir. Ça. Si tu fais des vidéos sur Internet ou des émissions de radio, puis t'as pas de fun à faire ça, ben de un, lâche tout de suite parce que tu vas pogner une heure après ça. Puis ton produit sera pas de qualité de toute façon. C'est en plein ça, tu sais. Puis... C'est un loisir, c'est une passion aussi, mais c'est un loisir en priorité. C'est pas une obligation de faire des vidéos. On n'est pas obligé de sortir des vidéos. On le fait parce qu'on trouve ça le fun. C'est ça. Parce qu'il y a du monde qui aime ça aussi, regarder ces vidéos-là. Puis tu vas être d'accord avec moi, JC, pour dire que c'est un trip de gang aussi. Ouais, c'est un trip. On commence à le découvrir parce que notre groupe de tournage est vraiment en train de s'expansionner, surtout à Québec. On est tous à Québec sauf toi. Ouais, c'est ça. Mais oui. C'est une parenthèse comme ça pour Patreon, juste parce que j'en ai parlé, puis peut-être du monde qui doit avoir l'information. Là, juste rapidement, te donner un exemple. Là. Tu connais Brent O'Floss? Oui. Bon, Brent O'Floss est rendu sur la plateforme Patreon. OK. La façon que ça marche, dans le fond, c'est que Brent O'Floss, il dit je vais sortir une vidéo à tous les deux mois. Et là, pour arriver à ça, ben lui, il demande est-ce que tu peux lui donner de l'argent. Ça peut aller de 1$ à la somme que tu veux. Mm-hmm. Et ça, dans le fond, c'est que c'est un montant qui est prélevé à chaque deux mois sur le compte PayPal, dans le fond, de la personne qui a décidé de te patrouiller, je sais pas le terme exact. Mais tu sais, juste pour donner une idée, Brent O'Floss, actuellement, il gagne 705,50 aux deux mois pour ses vidéos. C'est bon quand même. Fait que le principe là-dessus, c'est comme Patreon le dit, et comme quand normalement tu montes une campagne Patreon, c'est pas de vendre pour faire de l'argent. Non. C'est vraiment dans le principe. C'est de l'argent normalement que tu es supposé de tout réinvestir dans tes reportages. Ça ferait ça. C'est ça que les gens comme nous, en fait, t'sais, même à puissance maximale, le peu d'argent qu'on peut. On a vendu des t-shirts, ben, tout l'argent de plus qu'on avait ramassé, ben on a mis ça dans notre budget d'animé pour se rendre dans le gaz dans cette affaire-là. C'est que je pense que c'est la même chose pour nous autres. C'est ça, là. Parce que nous autres, regarde, on a les frais de déplacement, on doit s'acheter une chambre si, mettons, on est à l'extérieur, des choses comme ça. Fait que, tu sais, mine de rien, là, un reportage, ça coûte quand même assez cher. Oh oui. Même si on sert en tant que média, il y a quand même des coûts qui englobent à l'extérieur de ça. C'est ça. Fait que quand on veut ramasser des sous pour nos différents projets, mesdames et messieurs, qui étouffent pas, c'est vraiment pas pour nous en mettre dans les poches. Non, puis en plus, je coûte cher de café. C'est ça. J'en ai un en ce moment. Je vous envoie le lien. Si vous êtes du créateur de contenu, je fais ici référence, exemple, à Jog qui est venu nous voir, ou les accros des jeux qui nous écoutent, ben ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser. Fait que je vous invite d'aller sur patreon.com. Antitus constitutionnellement, mon cher ami. Antitus constitutionnellement. Ça, c'était une plug que quelqu'un voulait absolument que je le dise. Que bien prononcé. C'est pas grave, c'était pas ça mon challenge. C'est juste de plugger le mot. Mais là, moi, j'ai une question pour JC. Là, JC, on a parlé justement, Luduc parlait de son équipe qui s'agrandit dans le projet, justement, dans le projet Luduc. Toi, qu'est-ce que tu fais dans l'équipe? Parce que là, on n'a pas toute la gang ici. Vous êtes combien en tout, premièrement? Et toi, qu'est-ce que tu fais de JC dans l'équipe? En tout, on... dans les vidéos des conventions, on est quatre. Ben, compte, c'est sûr. Ce que tu comptes, c'est la partie de Québec. Là. Ouais, mais aussi, il y a Dom et Roxane qui viennent souvent. Ben, en gros, Dom et Roxane viennent donner un coup de main. C'est-à-dire qu'eux autres, ils font plus partie d'une autre communauté qui s'appelle j'implose.com, qui est un avec Christian Hamel, qui c'est ça qui avait parti leur propre business. Et on s'est découvert entre conventions. Fait que là, c'est ça, on a trouvé ça. Moi, j'ai bien trippé sur leurs vidéos. Si vous avez une chance d'aller voir ça, j'implose.com. Je veux pas m'essoper ça, là. Mais c'est quelque chose... C'est ça, c'est du vidéo expérimental. Alors, C'est de l'humour absurde. C'est de l'humour absurde. C'est le japonais, mais mélangé avec du québécois. Là. L'humour, ouais. C'est en plein ça. Bon, ben, je vais mettre ça sur la page de Puissance. Fait que ça, c'est beaucoup de vidéos expérimentales, absurdes. Ouais, si vous buzzez en voyant ça, posez-vous pas de questions. C'est normal, c'est de l'expérimental. Soyez pas là pour juger. C'est comme de la drogue visuelle. Ouais, ben non. Ben, pour l'esprit. T'as pas besoin de cerveau pour écouter ça. Ben, c'est là, ça. T'as pas besoin de cerveau pour consommer de la drogue. L'humour est drôle, mais il faut vraiment mettre son cerveau... Je veux pas dire des choses déplacées, mais il faut vraiment mettre son cerveau à off au niveau de... Il n'y a pas de logique, c'est de l'absurde. C'est pas genre d'essayer de trouver le lien qu'il y a dans les vidéos, c'est de l'absurde. Ah, oui, tu ris parce que c'est drôle, hein. Mais tu sais pas pourquoi tu trouves ça drôle, mais tu ris pareil. C'est simplement ça. Je l'ai déjà vu, ce site-là. Ah. Allez voir ça, j'implose.com. Pour ceux que ça intéresse, je viens de poster le tout sur la page de Puissance Maximale. Donc, vous avez ces deux personnes-là qui vous aident, puis là, vous avez la gang avec JC. Vous êtes quatre en tout, plus Luduc, c'est ça? Oui, c'est en tout. C'est un peu ça. Il y a Christophe, moi, Gab, toi. Oui, c'est ça. On est quatre en groupe qui sont récurrents. C'est-à-dire qu'en gros, la hiérarchie, ça fonctionne comme un animateur, deux co-animateurs et on a JC. Bon, on va dire trois co-animateurs. Mais c'est ça, là, le rôle. Tu te chier au bout avec JC. Non, je vais me rattraper. Là. On arrive avec la question que j'avais tantôt. JC, qu'est-ce que tu fais, toi, dans ce groupe-là, à part faire des tatas et présenter. Au départ, c'était la première prise qu'on me voyait, c'est moi faire des tatas dans l'épisode Pokémon où j'ai animé. Mais je faisais de la caméra avec Christian. Okay. On était j'étais en arrière de la caméra. Aussi, des fois. Les premières conventions, j'étais avec Luduc, je le suivais, puis je parlais, je faisais rien, je m'intéressais à ce qu'il faisait, puis ça finissait là, puis à un moment donné, Luduc m'a approché, il m'a dit « Ah, ben participe », puis ça, puis là, si on suit le rythme, j'apparais de plus en plus dans les vidéos. Tu pourrais peut-être parler de ta nouvelle apparition aux dernières vidéos. La nouvelle chronique de... c'est... Entre-vidoubles avec Charles. Oui, parce que Charles s'est rajouté. Oui. C'est plus... Lui, c'est aussi un running gag comme moi... C'est un collaborateur qui s'était ajouté. Ouais. Fait, on a décidé de prendre la caméra de Luduc pendant le Geekfest et prendre son micro aussi puis faire une entrevue what the fuck total. OK. Et ça a pogné. Puis on a décidé de faire pareil pour les prochaines conventions. Ah, c'est bon. Ça va être un concept qui va se renouveler. Sinon, j'ai une question ici sur Facebook pour JC et Luduc. Oui, le Takuton arrive à grands pas. Votre cosplay ultime, celui que vous rêvez de porter un jour, c'est quoi? C'est Marie-Ève Thérien qui pose la question. Ah, moi, je laisserai JC répondre avant, puis je répondrai après. OK, ben moi, j'avais un cosplay. Je l'ai abandonné parce que j'ai découvert que je n'étais pas fait pour faire du cosplay nécessairement. Ah, mais si, admettons, tu avais la shape pour le faire, ça serait quoi? Ben, ça serait Harold de How to Train Your Dragon 2. OK. J'avais commencé à le faire, mais j'ai réalisé que couture est plus ou moins égale zéro total. Ouais. Puis le temps aussi, l'argent, j'étais genre non, j'y arriverai pas. Mais ton costume de 30 sous était génial. Ah oui, mais je prévois de faire le UR. Ouais, mais c'est parfait ça. Ouais, continue avec la monnaie royale canadienne. Ouais. T'as, puis, t'as un talent. T'as un billet de 20$ à un moment donné. Ça va être un soldat de la Deuxième Guerre mondiale. Quand tu vas faire des dons, mesdames et messieurs, ils vont pouvoir se déguiser en 20$. Ton côté, Luduc, cosplay de rêve. J'en ai un paquet, mais il y en a un que j'aimerais absolument faire. Ça serait celui de Jack dans la trilogie Jack and Daxter. Sérieusement, je triperais surtout faire la version de Jack 2. Je pensais le faire au courant du Comic-Con de Montréal, mais je manque de temps. Ouais, c'est le temps. C'est le temps. Tu es en éco-noir, là? La version originale avec les cheveux longs, là. OK, OK, pas quand il est comme en mode Fury, genre, Non, c'est ça, non, pas Fury, là. Non, pas Fury. Non, surtout pas les Fury. Non, pas Fury, mais okay, mode Fury. pas ce mode-là. Ah, OK, OK, on parle d'autre chose. Noir, full diabolique, là. Alors, vous êtes bien à puissance maximale. Puis Benoît Mirandette dit qu'il y a hâte, Luduc, que moi et toi, on porte un cosplay des Power Rangers. Ah, oh, wow. Oh, mon Dieu. Ah, et lui qui dit ça, là, moi puis lui? Non, Benoît Mirandette. OK. Il a dit qu'il a hâte de voir toi, puis moi, porter un costume de Power Rangers. Je me rappelle pas avoir signé quelque part pour ça. Ben, moi, la question, c'est qui le rose? GC. Oh, GC. Oh, GC. T'aurais pas dû se poser la question. Celui qui le dit, celui qui l'est. Mais, puis Mike va être le jaune. Oh, ouais, c'est ça, compter sur moi. Attends, la rose, c'est une femme. Ouais. Ah, merde, je me suis mal. Ça veut dire qu'il va falloir se trouver un. Non, je m'en allais dire qu'il va falloir se trouver un noir, mais je vais arrêter ma joke. Ça va être, Non, mais c'est le top de pire, c'est que c'est pas une joke, c'est ça qui est ridicule. Mm. Mais monsieur Luduc, pour terminer, parce que ça va t'arriver vite, pour terminer cette entrevue, parlons rapidement de la saison 4 qui s'en vient. Il y a des nouveautés qui s'en viennent. Parle-nous de ça, parce que là, tu nous as laissé sur la fin de la saison 3 avec un changement de costume et un changement dans le. Parce qu'il faut rappeler que Luduc, dans son élément télévisuel, c'est un personnage. Donc, tu nous as laissé, parce que c'est un personnage, ma foi, pris de doute. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour la saison 4? Ben, en gros, la saison 4 va commencer avec... la saison 4 revient le 17 août, si je me rappelle bien. Et en gros, on a beaucoup de belles surprises. C'est-à-dire qu'on va essayer des nouveaux événements qu'on n'a jamais essayés. Quand je dis nouveaux événements, je parle de... grandeur nature. Oh! On parle de grandeur nature. C'est bon, ça? On se l'était fait demander à maintes et maintes fois... Et on n'était pas sûr, puis on se disait, comment on va amener ça, puis tout. Fait que là, pour une première fois, on tente ça. On a fait un premier tournage en fin de semaine. Ça a super bien été. On a très hâte de vous montrer le footage qui va arriver plus dans les coins de septembre. Mais on parle d'événements qui seront peut-être à l'extérieur du Québec. OK. C'est-à-dire, on ne donnera pas de place, parce qu'on ne s'est pas encore confirmé officiellement. Mais on... On parle justement de... Est-ce que vous allez être obligé de prendre l'avion? Non. OK. Non. Je vais dire qu'on reste encore au Canada pour la saison 4. Pour la saison 4? Bah ouais. OK, c'est bon. S'il fait une campagne Patreon, peut-être que la saison... Puis que ça marche, peut-être que la saison 5, il serait capable d'aller à l'extérieur. Ah! On va voir, en tout cas. Fait que là, on est rendu à Tototom. C'est ça, nous autres, on va attendre. À suivre. Tototom! Ben excellent. Écoute, Luduc, merci beaucoup d'être passé en studio. Ben, regarde. Avant qu'on parte en musique, je peux-tu juste dire quelque chose? Ben, on n'a pas fini encore, Andrew, parce qu'il nous reste. Ce que j'allais dire, en fait, c'est merci avec JC aussi. Puis vous êtes invité à rester tout le long de l'émission pour commenter les nouvelles ludiques dont on va parler tout le long de l'émission. Puis on a les top 5 de Luduc, 3 top 5 qui s'en viennent. Et là, je vais laisser intervenir Andrew, mais juste pour dire aux gens, mec, Andrew est fini. On s'en va avec un top 5 sur les modes virales sur YouTube. Donc, vas-y, Andrew. On a de la réaction sur Internet. Ils veulent qu'on se mette en Power Rangers. Bon, ça y est. On a se mis à la zénith. Je vais pas être obligé de porter un sou de rose, moi, là. Donc, moi, comptez-moi out tout de suite. Oh, t'as fini, là. Moi, je peux être votre manager de Power Rangers, si vous voulez. Ouais, c'est ça. Tu vas devenir... L'ennemi juré. Ah, tu pourrais devenir Splinter. Ah, oh, non, c'est pas dans le même design. Moi, j'ai une requête, Luc. Si on est pour le faire, je vais être le vert. Tu vas être le vert. Je peux-tu changer de couleur? Non. Le jaune, c'était une fille ou c'était un gars? C'est une fille. Ah, oh, merde. Pas le jaune, pas le jaune. Puis devine mais quoi? En fait, c'était une asiatique. Ça dépend. Oh non. Au Japon, c'est un gars. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est un japonais. Ouais, ben ça devient maintenant avec toutes les séries et toutes les versions, tout à fait. Ouais. Donc, en tout cas, on aura peut-être la chance, peut-être du... Bref, passons à autre chose. Luduc, on va parler d'un top 5 pour les modes virales sur YouTube, parce qu'on va, on est un peu... Puis vous allez voir quelques musiques aussi durant l'émission. Ça va être aussi des trucs qui sont tirés de groupes ou de gens qui ont commencé sur YouTube ou de modes YouTube aussi. Là, allons-y avec un top 5 pour parler de modes virales. Oui, les modes virales sur YouTube. Et j'ai avec moi JC qui va faire justement le décompte. Hello. Fait que JC, je te laisse commencer. Numéro 5. Le numéro 5 des modes virales, ça a commencé plus en 2013, au mois d'octobre-novembre. Il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler, ça a été un petit peu plus underground, mais le Knife Game Song. Je sais pas si les gars, vous avez entendu parler de ça. Non. En gros, le concept était que les gens devaient chanter une chanson et qu'ils devaient comme se planter un couteau directement entre les doigts. Oui, le fameux pour jeu. Pour pouvoir justement passer au travers. Ça a tellement pogné, on voyait des vidéos de jeunes filles du secondaire qui avait 14-15 ans qui faisait ça. Heureusement, cette mode-là n'a pas toffé. On est vraiment content. On est content, effectivement. Parce que, regarde, on regarde des vidéos, puis ça a vraiment... Il y a du monde qui se défaisait les doigts, puis se le montrait, il était fier. Vraiment content. Et ça a commencé à cause d'un YouTuber qui avait créé une toune et qui avait que son vidéoclip, c'était de faire ça. pendant qu'il chantait son refrain. Tu sais qu'on parle de la responsabilité quand on a un micro et une caméra entre les mains, là. C'est ça. Ben, y a des gens qui se rappellent plus de ça, je pense, dans ces moments-là. Effectivement. C'est bien mieux de même. Ouais, et on va continuer. Continue. Numéro 4! Et le numéro 4, beaucoup le connaissent, les Goat Remix. Hein, ouais. Les Goat Remix, ça a commencé surtout avec, voyons, comment il s'appelait, donc Taylor Swift, ouais. Avec, où ce que dans son refrain, I know you were troubled, da-da-da-da-da. Puis après ça, on commence, les chefs commencent à embarquer, tu sais, que ça coupe, là. Ça a été une mode qui est apparue avec beaucoup de chansons qui sont apparues. Après un reportage de Luduc, Goat Edition. Ben, justement, c'est niaiseux à dire, mais le Goat Edition, on l'a entendu dans Luduc versus les princesses, où comme année, dans un intro, j'ai inséré des Goat Remix. Ah. Fait que, ça, je me suis comme ben gros amusé. Ouais, mais on les a pas vus. Non, vous les avez pas vus? Ben, c'est dans Luduc versus les princesses, pour les gens qui veulent aller voir ça, www.youtube.com/Luduc. Ou aller sur la page de Puissance Maximale sur Facebook, ça a été partagé tout à l'heure. Puis allez vous abonner, c'est gratis. Puis en même temps, cliquez sur « J'aime » sur la page de Puissance Maximale. Abonnez-vous en même temps. Abonnez-vous sur la chaîne Luduc. Cliquez sur chaque vidéo, s'il vous plaît. Ouais, sur chaque vidéo, puis c'est ça. Et quand il y aura une page Patreon, donnez $1 minimum. Ou 2000. Permettez à Luduc de se transformer en Power Rangers. Fait que, JC... Numéro 3! Le numéro 3, ça, je vais appeler ça, il n'y a pas de nom officiel pour ce mode-là, c'est vraiment les copies de PewDiePie. Quand je parle de copies de PewDiePie, je parle de personnes qui se filment en train de réagir par rapport à des jeux vidéo. Là, moi, j'ai appelé ça playthrough avec des commentaires. C'est pas le bon terme, je le sais, là. C'est un gros anglicisme. Du face commentary. Du quoi? Face commentary. Du face commentary. Je le prononce vraiment mal, là, mais ben c'est correct, c'est l'intention qui compte, JC. Mais pas avec... sûr de la traduction que je vais te sortir là. Ouais, sur cette expression faciale. en effet, cette mode là a commencé avec PewDiePie qui était numéro 1 aux dernières nouvelles, je sais pas si c'est toujours le cas. Oui, parce que oui, ouais. Non, ouais, mais en tout cas, c'est genre rendu comme le c'est le dieu de YouTube. Ouais, c'est ça, je n'osais pas le dire, mais tu sais, c'est comme pas mal le roi de YouTube cet ancêtre. C'est ça, cette mode là a justement incité à ce qu'il y a beaucoup de monde qui ont décidé de faire la même chose. Fait que des fois... Et malheureusement, sans vraiment renouveler le concept. Non, c'est ça. Fait que le concept revient encore et encore à maintes fois, à un tel point que des fois, je donne des exemples, mais je nommerai pas de nom, là. Des fois, je reçois il y a des personnes qui m'envoient soit des courriels ou bien qui me rencontrent en convention, qui me disent « Ah, j'aimerais ça partir de ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu penses de mon idée? Je joue à des jeux et je réagis. » Je le regarde et je fais comme « Ah, ben, c'est une idée. » Mais dans ma tête, je me dis... Tout le monde fait ça. C'est ça. J'ai eu de l'information sur... Oui. PewDiePie est toujours le numéro 1 sur YouTube et le deuxième channel serait Shakira. Shakira. Wow. C'est bizarre. Un peu quand même. Il y a tellement un lien entre Benoît les deux. Benoît Mirandette, il n'y a pas sorti de source, là, mais on... On va le craire. On va le craire. Merci, Benoît. Ouais. Ben, merci beaucoup. Big Ben. Big mais, Ben. Big Ben des accros des jeux. Allez vous abonner à sa chaîne. Un commentaire sur ce mode-là. Il y en a un tu peux copier. Ben, on n'a pas vraiment de la copie. On s'inspire. C'est une inspiration. Mais il y en a qui ont bien réussi comme Squeezie Gaming, que justement, il a amené ses propres concepts. Ouais, qui est aussi la personne avec qui Cyprien joue dans Cyprien Gaming. Oui, oui. Ce YouTuber-là, avec qui je l'écoute, puis je l'apprécie, puis je trouve aucunement qu'il est pareil à un niveau humour que PewDiePie. PewDiePie est plus vulgaire, je trouve. Ouais, ben c'est... Tu sais, tu peux prendre un thème, puis le mettre à ta sauce, mais si tu le copies en entièreté, ben c'est du plagiat dans un sens. Plein ça. Puis ça pognera pas, parce que non, tu peux trouver une qualité peut-être meilleure chez la personne qui l'a créé. Ben, c'est à cause que... Faut que tu innoves. Je te dirais, c'est à cause PewDiePie, des fois, quand il joue, j'ai l'impression qu'il joue un rôle. J'ai pas l'impression qu'il est sincère. Tandis que Squeezie, tu regardes ses autres vidéos, tu regardes ses apparitions publiques, tu regardes qu'est-ce qu'il fait dans ses vidéos de Let's Play, puis c'est sa personne. Squeezie, il est de même. Ouais, il est fou. Fait que t'es... Non, mais t'es, je parle dans sa gestuelle, dans sa façon de réagir. Quand il fait des blagues avec Cyprien, il rit de la même façon que quand il rit d'un bug dans un jeu ou quelque chose comme ça. Il est plus vrai. Fait qu'on va continuer avec le numéro 2. Oui! Numéro 2. Je t'ai comme volé la vedette un peu. Mais le deuxième, ça, c'est une mode qui est un petit peu plus... plus vieille, c'est-à-dire le Rickroll. C'est mode là où on regardait une vidéo et on faisait comme waouh, la bande annonce de quelque chose de nouveau. Never gonna give you up. Là, on fait comme non, on s'est encore fait troller. Fait que Rick Astley se faisait tout le temps patcher à des places à un tel point, et ça, c'est une information que j'ai vraiment lue à un moment donné, qu'à chaque fois que la toune Never Gonna Give You Up passe sur YouTube, eh bien, Rick Astley gagne un cachet. Ben oui, ben c'est oui. niaiseux à dire, mais peut-être que d'une certaine façon indirecte, ben, je donne un cachet à Rick Astley. On a réussi à redonner de l'argent à une idole des années 80, voilà. 80-90. Le pire, la dose, c'est qu'il continue. Là. Ben il a pas sorti grand CD, mais il vit avec Never Gonna Give You Up. Ben, tant mieux pour lui. Ben, c'est ça. Et on va y aller avec... Le numéro 1! Merci, JC. Le numéro 1, le Harlem Shake. Ça, c'est une mode qui a bien gros apparu l'été dernier, qui a apparu en même un petit peu après le Gangnam Style. Hein. Gangnam Style, j'ai pas osé le mettre dans le top 5 parce que c'est plus une chanson. C'est sûr qu'elle a été bien gros parodiée, mais ça sera pour une prochaine fois. Fait que le Harlem Shake revient très souvent. Fait qu'on les a vus dans plusieurs sauces. Et sérieusement, à la fin, j'étais plus capable. Avec raison. Hey, merci beaucoup, Luduc, pour ce top 5. Il en reste deux tout au long de l'émission. Monsieur Castegan, nous allons aller en pause musicale avec. Et là, on va y aller avec justement. On va commencer avec quelques chansons YouTube avec le groupe Smosh qu'on aime bien. On avait passé de leurs chansons à l'occasion. Mais on va en passer une qu'on avait beaucoup aimée qui s'appelle Legend of Zelda Rap avec la gang de Smosh à puissance maximale sur le nom de CJMD 96.9 Lévis. Maximal vous présente les nouvelles ludiques. Et Et oui, mesdames et messieurs, de retour à puissance maximale après Smosh et Legend of Zelda Rap. Et là, comme vous avez entendu, nous sommes de retour pour des nouvelles ludiques avec M. Andrew Castagan, moi-même, Luduc. Non, et ça peut-tu être des nouvelles ludiques, s'il te plaît? Ah, d'accord. Ça sera des nouvelles ludiques pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Et là, M. Castagan, laisse-moi débuter parce que j'ai une grosse nouvelle. Ben, une grosse nouvelle. En fait, quelque chose que je trouve un peu plate, mais c'est pas très étonnant. En fait, on nous dit, et je vous cite un article de jeuxvideo.com, que Nintendo affiche des pertes malgré les bonnes ventes de la Wii U. On sait que depuis le 3, des super belles annonces pour les jeux de la Wii U, on était comme un peu... Il y avait un espoir, me semble. Ben oui, mais là, maintenant, on a des bons jeux qui s'en viennent. Parce qu'avant, moi, je connais des gens qui avaient acheté une Wii U plein d'espoir, puis qui l'ont revendue. Mais là, qui s'en ont racheté une après les annonces du E3, parce qu'il n'y avait pas de jeux sur Wii U. Et là, maintenant, on a quelque chose de bon. Mais... chez Nintendo, on nous dit que l'heure est venue justement de présenter son bilan financier pour la période d'avril à juin 2014. Et en plus, là-dedans, on a Mario Kart 8 qui a été vendu avec beaucoup, mais beaucoup d'exemplaires. Mais c'était vraiment bon, ce jeu-là. Je l'ai acheté aussi. Il est super bon. Ouais. Je l'ai testé, puis c'est un excellent Mario Kart. Mais toutefois, malgré ces bons chiffres, Nintendo perd encore de l'argent, malheureusement. La compagnie déclare en effet avoir vendu plus de 510 000 Wii U entre avril et juin, ce qui porte les ventes totales de la console à 6,68 millions d'unités depuis son lancement. Donc, des chiffres rassurants pour le constructeur, nous dit-on, encouragé par les très bonnes ventes, comme je disais, de Mario Kart 8, qui se chiffre à 2,8 millions de copies en un mois seulement. C'est que, ça a vraiment pogné. Ouais. Aussi, 820 000 3DS qui auraient trouvé preneur pendant cette période-là. Mais malgré ces bons chiffres, ben, Nintendo affiche un bilan financier déficitaire avec des pertes opératoires estimées à 9,4 milliards de yens. Ouais. Donc, environ 92 millions de dollars. Là. C'est quand même pas mal. Donc, le rapport attribue ces mauvais résultats au manque de licences fortes, donc autres que Mario Kart, là, sur la plateforme, parce qu'on vient d'avoir les annonces. Là. C'est que j'imagine que les chiffres vont beaucoup s'améliorer au courant des prochains mois, en parlant justement de titres comme Pokémon Sapphire Ruby, Hyrule Warriors, Smash Bros. Qui s'en vient. Smash Bros. Qui va être très prometteur. Oh oui! Il y a plein de nouveaux personnages en plus. Ça, j'ai hâte de le voir aussi. On attend toujours notre copie Nintendo. Ouais, c'est ça. Les jeunes Nintendo. Là, ce qui paraît, j'apparais dedans. Mais... Non, c'est ça. Non, mais c'est un nouveau joueur jouable. Mais on le dira pas que c'est en Mi. Mais bon, on le dira pas. Il faut juste que le Mi soit sur la console. C'est juste ça. Et voilà pour cette nouvelle. Donc, mais on sait, j'avais vu une statistique sortir. On en avait parlé même à l'émission avec Andrew. Que Nintendo avait quand même beaucoup d'argent en banque. Donc, je trouve ça toujours plate qu'une compagnie qui a quand même des bons titres à nous offrir maintenant, qui ont une machine qui n'est pas la plus performante au niveau hardware, mais qui offre quand même des possibilités de gameplay vraiment intéressantes. Ouais. Le gros problème, c'est pas Nintendo. La révolution, mais... Le problème des Nintendo, c'est qu'il faudrait qu'ils sortent plus de titres de leur studio à eux, parce que c'est eux qui ont la plus grande maîtrise de la console. Puis le problème, c'est que les jeux des parties tierces ne délivrent pas la performance et les fonctionnalités qu'on s'attend d'une Wii U. Puis qu'est-ce qui est sûr aussi, c'est que Nintendo est réputé pour oser, hein? Parce que regarde, on peut parler avec Nintendo 64, on peut parler avec la Wii. La 3DS, c'est tous des concepts qui ont osé puis qui étaient les premiers là-dedans. Là. Je veux pas trop m'avancer non plus, je veux pas me faire avancer sur Facebook. La détection justement du mouvement avec la Wii, mais après ça on a eu Sony puis Microsoft qui ont suivi le pas, puis malheureusement ça sont... planté. La Kinect, maintenant, il n'y a plus personne qui s'intéresse. Puis la PlayStation Move, on n'en parlera même pas. C'est ça, elle est compatible PlayStation 4. OK, t'as-tu du stock? On a des jeux! OK, est-ce qu'ils utilisent la Move? De quoi? Non, c'est ça. Donc, voilà. En tout cas, j'ai hâte de voir. J'espère qu'ils vont remonter la pente, mais ils n'ont pas grand à remonter, vu les sous qu'ils ont déjà. Monsieur Castagan, bien évidemment, quand on parle de nouvelles ludiques, en tout cas ludiques pour aujourd'hui, Monsieur Castagan, on doit parler de la chronique, mais en fait de la chronique, de la dimension « Que saviez-vous? Le saviez-vous? Que saviez-vous? Que saviez-vous? Ah, que saviez-vous aujourd'hui? Que saviez-vous? » Non, le saviez-vous, donc... vas-y donc, M. Castellan. Ben, là, je vais sortir un jeu que beaucoup de personnes adorent. Pas dont moi. Pas Sonic encore. Non. Conker Bad Fur Day. Oh. Oui. Qui était 64, qui a eu une version remasterisée sur Xbox. Et que je supplie Microsoft un jour de laisser Rare refaire un bond dans cet univers-là. Mais je le savais pas et je suis surpris de le savoir. Est-ce que vous saviez que tous les personnages masculins, à l'exception du Great Mighty Pooh, c'est un seul voice actor. Ah ouais? Oh, sérieux? Il s'agit de Chris Seaver. On le salue. On le salue sans doute écouter l'émission. Donc, c'est lui qui a fait toutes les voix masculines du jeu, à l'exception de Mighty Pooh. Il y a de la voix, ce gars-là. Tu sais qu'on parle de... Même la fille? Non, mais les personnages masculins. Ah, OK, masculin. Masculin. Ouais. Écoute quand on parle. Mais disons, on en parlait tellement hors d'onde parce que le Luduc est arrivé chez nous cet après-midi avant l'émission. Bon, on a parlé de plein de trucs. Puis on parlait justement des doubleurs qu'on a eu la chance d'interviewer. Mm-hmm. C'est vraiment une job, ma foi, des plus complexes. C'est vrai. Puis ça prend du talent. Puis on a encore une preuve. Et j'en avais une deuxième. Une deuxième? Oh, plus que c'est, plus que c'est Luduc, là, je le gâte. Oh, yes. Vas-y donc. Et on va parler de Super Mario Bros. En fait, le Super Mario World, pour être plus précis. Est-ce que vous saviez que le bateau fantôme qui est coulé dans le centre de la map, d'après le manuel de jeu de Super Mario World, il s'agit d'un airship de Mario Bros. 3. De Mario Bros. 3. Ah, c'est cool ça. Je le savais. Non, non. Je le savais. Ben, c'est un beau lien. Ouais. Ah, c'est cool. Hey, là, Luduc, j'ai eu un message tantôt de M. Danny Simard du Pub La Revanche qui fait dire on veut Luduc à La Revanche, on a du bon café. Ah, oh! C'est que, mec, tu repasses à Québec, tu seras le bienvenu, évidemment. Ben, j'accepte l'invitation. On ira se faire une petite partie de quelque chose avec la gang des puissances maximales. On ira faire un tour. J'aime ça. Ben oui, on va inviter JC, ça va être une présentation de JC. L'équipe de Luduc qui est à Québec sera aussi les bienvenus. On se fera une grosse partie de quelque chose à la gang. Là, ça va être Pokémon Stadium. On a une demande spéciale. société. La revanche, c'est juste société. Ah! Oh. Oui, comme disait mon frère... Wake up la truite. Monsieur Michael, oui. On a une demande spéciale de la part de Benoît Mirandette pour l'émission de la semaine prochaine. Il aimerait qu'on trouve la toune de Great Mighty Pooh. On va regarder ça, Monsieur Mirandette. C'est facile de trouver ça. Ouais, je l'ai écouté un matin en plus. Bon, ben on va te trouver ça, Benoît. On va te trouver ça, puis on va passer ça à l'émission. On a le temps d'une dernière nouvelle avant de passer en pause de mi-émission, M. Castegan. Oui, ben ça va être une nouvelle doublée parce que c'est lié ensemble. Allons-y. En fait, EA, avec un nouveau service qui s'appelle EA Access, a approché Microsoft pour offrir leur service d'abonnement mensuel pour les jeux EA sur Xbox One. Ça veut dire qu'on peut s'abonner à ça puis on a accès à des jeux pendant un mois. Exactement. Dans le fond, c'est qu'on paye $4.99 par mois et ça nous donne, dans le fond, accès à une bibliothèque de jeux sélectionnés par EA. Un peu un genre de service cloud, un peu. Là. Okay. Fait que, tu sais, on paye un montant et comme ça, on a accès à un catalogue digital. Et qu'est-ce qu'ils disent avec ça? C'est qu'en même temps, ça permet d'avoir des réductions de 10% sur le catalogue digital de l'éditeur si on veut faire l'acquisition d'un jeu. Mm. Et aussi, en même temps, d'avoir accès à des early access. Et donc, ça permet aussi à EA d'avoir plus d'argent dans leur poche. Exactement. Ils en font pas assez. Non, mais tu sais, il faut pas en parler, ça. Parce que EA n'est pas à l'argent. Une des pires, selon moi, compagnies que dans l'industrie. EA n'a pas popularisé le DLC. Non. Mais c'est pas eux directement qui avaient dit qu'ils faisaient ça pour l'argent. À un moment donné, dans une entrevue, j'avais entendu ça. On en avait parlé à l'émission, je crois que oui, effectivement. Ouais, c'était franc. Il avait... Presque c'était... aussi franc que le gars de Microsoft qui dit « Bon, t'as pas d'Internet, garde ta Xbox 360. » Et voilà. Méchant coup marketing, ça. Mais c'est ça pour les Sims, que... étant donné que... Tout ça pour dire que EA avait approché Microsoft et Microsoft avait dit « Ben oui !» On accepte ton service. Ils sont pas main dans la main par toutes ces deux-là. Grand ouvert. Par contre, il y a eu une mise à jour depuis parce que là, le monde disait c'est quoi, il va falloir que j'aille mon abonnement Xbox Live, puis qu'en plus, je paye un abonnement de plus pour avoir accès aux jeux, puis nanana. Mais là, ça, il y a eu une mise à jour. Microsoft ont dit que non, un abonnement Xbox Live Gold ne sera pas nécessaire pour utiliser le service EA Access. Ouais. Fait qu'au moins, on a ça qu'on est au courant. Mais l'accueil a été beaucoup plus froid au niveau Sony. Quand EA ont approché Sony pour pouvoir offrir ce service-là, Sony ont carrément dit non, on n'est pas d'accord avec ça. Et tout ça pour dire que... attendez un peu, je vais juste avoir la bonne affaire. Mais en fait, j'ai ça devant moi, ce qu'ils disent, que c'est vraiment pas assez avantageux pour les joueurs. Puis là, il y a une citation ici que je vais me permettre de citer. Oui. On dit « Les membres du PlayStation Plus ont augmenté de plus de 200% depuis le lancement de la PS4, ce qui montre que les joueurs recherchent des abonnements qui offrent une multitude de services à travers différents appareils pour un prix abordable. Nous ne pensons pas que demander à nos fans de payer $5 supplémentaires par mois pour ce programme spécifique à EA soit rentable pour les joueurs de PlayStation. » Bon, moi, personnellement, je trouve que leur excuse est so-so parce que s'il y a bien un réseau de joueurs en ligne qui est assez bancal, c'est bien celui de Sony. Mm. Je disais, commencez par... Puis je disais, vous avez augmenté de 200%. C'est sûr, avec le PlayStation 4, c'est pas mal plus avantageux. En fait, je pense que c'est même obligatoire d'avoir le PS Plus pour jouer en ligne. Ouais. Donc, c'est normal que tes ventes augmentent de 200%, elles gros. Ouais. Mais c'est envoyé comme ça. Là, en japonais, ça veut dire monsieur, honorable monsieur. Ouais, donc je trouve que je peux comprendre qu'eux autres trouvent pas ça avantageux pour leurs joueurs, mais la raison qu'ils donnent est vraiment c'est vraiment n'importe quoi. Ouais. Avec l'argumentaire qu'ils amènent, mais je suis un peu d'accord avec eux au niveau. Mais en même temps, c'est à cause que le chose EA Access donne même pas accès aux jeux récents. Là. C'est une banque de vieux jeux. Là. Bon, ouais. Fait que je comprends Sony d'un certain point de vue parce que ils donnent quand même relativement pas mal de jeux gratuits avec l'abonnement PlayStation Plus. C'est fait que je comprends leur point de 5,80. J'avoue par exemple que ça y aurait pu considérer le principe que on laisse le choix à nos clients de décider si oui ou non on prend le service EA parce qu'il n'est pas obligatoire, on s'entend là. Mais je comprends aussi leur point de vue que ça leur donne pas un réel gain non plus. À Sony, en tant que tel, pas du tout. Ben c'est ça. Fait que, en plus, ça aurait engendré des frais pour eux aussi parce qu'il aurait fallu qu'ils modifient leur infrastructure pour accueillir ce service-là. Puis leur infrastructure qu'il faudrait qu'ils changent déjà pour offrir une meilleure expérience. Ça s'améliore quand même un peu. Sur la PlayStation 4, le service en ligne est quand même très bien. En tout cas, PS3, là, n'importe quoi. Bon, mais ça, elle est mourante. Là. Hey, arrête. Je suis en train de jouer. J'ai recommencé à jouer à Grand Theft Auto Online avec mes chums, justement. Là, on est là, oh, c'est bien long à loader. Ben, c'est ça. T'avais peut-être une dernière nouvelle liée à ça, tu disais, avant de partir en non, musique? Non, ben c'était deux nouvelles. Ah, Microsoft et Sony étaient séparés, c'est pour t'as ça. T'as bien plugué ça. Un vrai champion. Et là, mesdames et messieurs, il est 19h58, donc la fin de la première heure de Puissance Maximale. Ça passe vite. Ça va extrêmement vite. Imaginez-vous qu'on avait seulement une heure dans le temps de Sequoia. C'est l'enfer. Donc, mesdames et messieurs, on va y aller en pause doublée musicale. On va commencer par Luigi Clash Mario de... Moi, Norman j'appelle... fait des vidéos. C'est Norman qu'il faut dire? Ou... Ouais, ben, moi, je dis Norman. C'est sa chaîne. Norman fait des vidéos. Voilà. C'est Norman. Normal. Norman. Il s'appelle Norman. Ah, OK. Moi, je l'appelle Norman. Ben, je pensais que non, son prénom, c'était Norman, puis son nom de famille, c'était fait des vidéos. Fait non, que... c'est pas ça, le duc. Ah, OK. Non, ça, c'est très mauvais comme dans chose. Ma tête. Mais, c'est lancé. Donc, Luigi Clash Mario de Norman. Et tout de suite après, un classique du rock avec Come On, Feel the Noise de Quiet Riot. Dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMDFM 96.9, Lévis. Yay. 20 années que je suis dans le game. Et je sais que Mario sera toujours le favori, le préféré, le numéro un. Mais bon, au fond de mon cœur, ça ne me dérange pas. Faux! Je ne suis plus gentil, lui qui sort la calache. Pendant son sommeil, je vais lui refaire la moustache. On verra bientôt qui sera le champion. Quand je lui ferai avaler ses 200 champignons. Mon quart est pourrave, il tombe toujours en panne. Je peux pas tourner, je me prends toutes les potes bananes. Pour lui niquer sa race, je veux qu'une carapace. Moi je veux qu'on case le mode kamikaze. Comment voulez-vous que Mario soit le maître, alors que ce mec mesure moins d'un mètre. Cette petite clopette s'habille en salopette, alors que moi... Ah ouais, moi aussi en fait. L-I-G-I, mon nom c'est Luigi. C'est la fin de Mario. L-I-G-I, mon nom c'est Luigi. C'est la fin de Mario. Eh ouais, je suis vénère, je dois m'habiller en vert. Avec cette couleur, on me prend pour un éboueur. Mario par là, Mario par-ci. Le perso qu'on choisit, ce n'est jamais Luigi. Pourtant je fais des efforts, Luigi fait du sport. J'ai un max de plec, lui est gros comme un porc. Luigi's Mansion, c'était ma carrière solo. Mais en arme de tueur, ils m'ont mis un aspirateur. L-I-G-I, mon nom c'est Luigi. C'est la fin de Mario. L-I-G-I, mon nom c'est Luigi. C'est la fin de Mario. Je n'ai pas la peste, je ne suis pas boiteux. Alors pourquoi Luigi est toujours le joueur 2? Putain ça me saoule, Mario fait des couves. Pendant que Luigi est derrière l'un de tout petit. Sa meuf s'appelle Peach, c'est le nom d'une brioche. S'ils font un gosse, putain il sera méga moche. Mario a du talent? Ce n'est pas si sûr. Vu que toutes ces cascades sont faites par une doublure. Tellement Mario pèse qu'il a sa figurine pèse. Il prend le melon, traîne avec Alain Delon. Il gère des go, prend des cachets illégaux. Mais le meilleur épisode, c'est quand je l'ai vu pécho Todd. L-I-G-I, mon nom c'est Luigi. C'est la fin de Mario. L-I-G-I, mon nom c'est Luigi. C'est la fin de Mario. L-I-G-I, mon nom c'est Luigi. C'est la fin de Mario. L-I-G-I, mon nom c'est Luigi. C'est la fin de Mario. Tu ramasses toutes les pièces, mais t'es pas milliardaire. Mario est locataire, Luigi est propriétaire. Je suis propriétaire, Luigi est propriétaire. Je suis propriétaire, Luigi est propriétaire. Je suis propriétaire, Luigi est propriétaire. Je suis propriétaire, Luigi Pabe. C'est la fin de Mario. Come on, feel the noise. Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale. Ludic? Veux-tu faire des reportages? Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour à Puissance Maximale. Et là, vous venez d'entendre quelqu'un qui appelait Luduc et qui lui demandait s'il voulait faire des reportages. C'était quoi ça? En gros, ça c'est comme un scoop que je vous offre, messieurs. C'est-à-dire que la saison 4 va commencer et en chanson. Oh! Ça commence en chanson et ça fraise un petit peu fort alors qu'on risque de parodier un certain classique de Disney qui est assez récent. Je nommerai pas de nom, mais je pense que l'extrait que vous avez venu d'entendre, c'est un bon indice. Parce que je pense pas que ça mette de fret. Non, non, en effet. Il n'y aura aucun froid. Clin d'œil, clin d'œil. Clin d'œil, clin d'œil. Voilà, c'est dit. Et mesdames et messieurs, nous allons faire en fait un court segment nouvelle parce qu'on a M. Louis-Étienne Dégagné qui vient d'arriver en studio. Donc, le temps qu'on s'installe, on va faire quelques nouvelles, moi et Andrew. Ça fait que Louis-Étienne, bonjour, prends ton temps. Tu peux voler le micro à JC. Bon. Allô, bonjour, il est qu'accessoire. Non, c'est ça. Non. Fais juste des tatas. Fais juste des tatas. Ah, ouais, oh. Bon, ça va, OK. Ça va bien, Louis-Étienne? Oui, super. Excellent. Puis là, en fait, on peut parler tout de suite des... Bon, t'es-tu prêt? On pourrait le faire tout de suite, si tu veux. De même, à fret. OK, pas de trouble. C'est bon. Bon, ben, on a ça sous la main. On a des jeux, donc, je parlais tantôt qu'on allait avoir Louis-Étienne pour pas parler de... Pas le temps de niaiser, à puissance maximale. C'est ça, ça va vite, ça va vite. Pas de trouble, j'aime ça de même. Donc, là, moi, j'ai un écran, ça fait que ramène donc les jeux prêts ici, le Louis-Étienne, que je puisse ouais. les voir. Donc, on a Wizward, dont on va parler, et on a tu m'en as amené un deuxième. Ben, un petit rapide, je me suis dit, pourquoi pas, c'est l'été, sur le bord de la piscine ou en prenant une bière ouais. à 5-10 minutes, là. Anyway, l'été, c'est fait pour jouer. Et voilà. Comme disait le fameux classique de l'émission de notre enfance, passe partout. Et voilà. Et là, ce deuxième Merci jeu s'appelle. Et là, le jeu s'appelle Chicane dans la cabane. Mais pas de comment... chicane dans la cabane, pour être exact. Pas de chicane, je cherche le pas. Il est en quelque part. OK. Mais c'est pas de chicane dans la cabane, okay. Je peux te le garantir. OK, c'est bon, excellent. On va commencer par la grosse boîte. Oui. Qui s'appelle Wizward. Donc, on a quoi entre les mains, là? Quel genre de jeu c'est, Louis? C'est un jeu où on tape dans nos adversaires. C'est jeu de 2 à 4. Puis okay. on incarne un magicien. Puis c'est un plateau. Le plateau grossit ou diminue selon le nombre de joueurs qu'on est. Okay. Et le but, c'est d'exterminer le magicien adverse ou de voler ses coffres de trésors qu'il possède. Okay. Mais c'est plus simple de le tuer. Fait okay. que je recommence ça à tous les joueurs. Puis c'est l'adversaire, une fois qu'il est mort, il est mort. Fait qu'il peut plus venir te gosser. C'est un jeu assez réaliste, hein, finalement, ouais. pour vaincre un magicien. On voit une tangente dans les jeux de plateau, le réalisme. Ouais, quand l'autre est mort, il est mort. Abattez vos ennemis. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est plaisant dans ce jeu-là, c'est qu'il y a vraiment un grimoire qu'on se fabrique. Donc, il y a 7 types de magie. Puis quand on joue, on s'en choisit 4 qui peuvent être aléatoires ou d'un commun accord avec tes adversaires. Et ça change la donne. Donc, la rejouabilité est présente. C'est ça qui est plaisant. Là, j'ose y voir de vous autres. Moi, je vais prendre des photos de jeu. C'est bon. Fait que non, Wizward, je te dirais que c'est un jeu d'environ une heure et demie. Ça dépend si tes adversaires se sauvent ou okay. ils sont plus du style à t'affronter. Hein? Pas bien. Donc, non, c'est un jeu où tu peux te faire des ennemis. OK. Et t'as pas vraiment d'amis. Est-ce que c'est vraiment disponible dans tous les bons magasins de jeux de société? Tout à fait. Okay. Genre Imaginaire à Québec. Oui, ou on la revanche. Pas de pub direct, mais mettons Imaginaire à Québec. Non, ben nous autres, on parle surtout de TPM ou la revanche. Oui. Ah, OK. Principalement, oui, la très belle langue. Personnellement, je préfère la revanche. Tu t'es fait inviter à la revanche, donc... Oui, hein, ça serait pas pire. Hein, Tu peux l'essayer avant de l'acheter. Oui, c'est ça, tu peux l'essayer avant de l'acheter. En plus, il y a du bon café. C'est une très bonne idée. Tu peux acheter les jeux à la revanche. Oui, tu peux les essayer. Puis si tu l'aimes, ben en général, ils l'ont. Ou s'ils l'ont pas, ils peuvent l'avoir dans un délai raisonnable. Je pensais juste que c'est une place genre, pour jouer au jeu et non pour les acheter. Non, non, il y a même une très grande sélection de jeux que tu peux acheter sur place. Au 1000, oui. Puis en plus, ils l'ont pas en vente, ils vont te le commander. Ah, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de problème, c'est ça. Tu peux l'avoir, il n'y a pas de problème là-dessus. Ah, mais c'est fantastique. Ah, justement, on parle de la revanche. Il y a Danny Simard qui m'interpelle via les internets. Il doit être content qu'on fasse de la pub pour lui. Ah, hein. Tu vois, Danny, t'envoies un message, Louis-Étienne, dis que c'est chicane dans la cabane et c'est pas de chicane. Bon, hein? Bien, je me suis fait introduire en erreur, mais effectivement, il y a chicane dans la cabane et il y a aussi un autre qui est chicane dans le donjon. Ah, ben justement, Danny voulait justement aussi qu'on en parle de chicane dans le donjon. Oui, mais il y a une petite variante, effectivement. Ah, OK. Fait que là, juste pour en finir, on va dire ça avec WizWar. on disait, juste pour résumer, 2 à 4 joueurs. 2 à 4 joueurs, combat de magicien dans un labyrinthe. Donc, le labyrinthe est préfet, il bouge pas, mais tu peux faire éclater les murs, tu peux faire éclater des portes invisibles, tu peux y balancer des boules de feu, des lightning bolts. Un peu Donjon Dragon transposé sur le classique, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est puis, bon, ce pilote. Tu défoules, c'est ça qui est le fun. Ça donne le goût de jouer à ce jeu-là. Est-ce que les règles sont super compliquées à apprendre au départ? Pas du tout. Non. Non. C'est très immersif. Très, très, très. Regarde, pour te donner un exemple, on a joué avec des nouveaux joueurs vendredi passé, puis en 10 minutes, on se donnait toutes des claques sa gueule. OK, cool. Ah, ben moi, j'aime ça. Dans la vraie vie, là, parce qu'il y en a un que tu es... Dans les deux cas, oui. C'est réel, ce jeu-là. C'est réel, c'est ça. Ouais, c'est sacré des claques. Non, mais sérieux, ça c'est très, très... T'as besoin juste d'un mouton de sacrifice qui va lire les règles, mais après ça, expliquer aux autres, c'est 5-10 minutes. J'aime bien ta comparaison de mouton de sacrifice. On a pas toujours un souffle-douleur qui... C'est chiant, c'est pour ça qu'on aime ça les jouer à revanche. Il nous les explique. Ben voilà. Oui, on sait si on a un animateur qui prend soin de nous pendant qu'on sirote une petite peine de cidre ou qu'on grignote de quoi, puis après ça, on joue. Mais c'est ça. Même, t'es-tu payé quand à chaque fois que tu dis le mot la revanche? Malheureusement pas, mais ça me fait plaisir. Tu devrais négocier ça. Ça me fait plaisir de faire ça pour eux autres. Parce qu'ils sont très gentils. Parce qu'ils sont cool, l'entreprise est le fun. Puis en plus, on fait des concours avec eux autres. On donne la chance à plein de gens d'aller jouer gratuitement. Puis en plus, Michel, qui est un des copropriétaires, c'est un ancien de l'émission. Donc, ça me fait plaisir d'aider un ancien de l'équipe de puissance maximale. Mais c'est principalement parce que la business, elle est vraiment, mais vraiment nice. Ben regarde, je vais dire à la personne qui s'occupe de la revanche, Dany, que tu disais. Ben Dany, ouais, qui nous parlait. Ouais, c'est ça. Ben regarde, j'ai dit, moi, je suis prêt à aller faire un reportage chez eux, mais en échange d'un café. C'est la seule chose que je demande. Ah, tu vois, un café, c'est pas cher à payer. Est-ce que tu vas y aller en Lindsay Lohan? C'est lui qui était déçu. Lindsay Lohan en plus. 2 cafés. Danny, 2 cafés, puis t'as ton homme. Ben, ta femme. Aussi. Femme. Ça ouais, t'as un 2 pour 1. Ouais, un 2 pour 1. Danny... C'est pour ça que t'as besoin de 2 cafés. Ouais, s'il te plaît, ça. Parce qu'il faut que je m'en remette aussi. Là. Danny fait dire que no problem, tu peux te présenter en Lindsay. On va demander des 3 d'abord. ça paraît-tu qu'il veut pas le gars? c'est ça. Donc, c'est bon, c'est lancé, messieurs. Donc, WizWar. Ben, je sais pas si tu as ça en tête. Là, Danny nous écoute, donc il va peut-être nous popper un prix. Ça se détaille autour de quel prix environ WizWar? On va attendre Danny, mais moi, normalement, je te dirais que si je me trompe pas, il était autour de 45-50$. D'habitude, je suis pas pire juste dans les prix à chaque fois que je viens à l'émission. 59,99$, nous dit monsieur. Merci Danny d'être en ligne avec nous pendant la chronique. Mais il nous écoute, c'est ça qui est bien. Il t'a mis présent, ce gars-là. Danny, il est partout, à la fois. Donc, puis en plus, il t'offre une pinte de bière en plus des cafés. Boy. Puis on vient donc faire le show, Danny. Viens-t'en, Danny. Amène la bière, amène du sud. Donc, voilà pour WizWar, 59,99. À la revanche, si vous êtes intéressé par des combats de magiciens bourrins. 5 minutes, donc même pas besoin de te casser la tête. Et tu rentres déjà dans l'adversaire. Puis on disait à peu près une heure... Une heure et demie, selon si le type d'adversaire que tu fais face, s'il tente de s'enfuir ou s'il te frante dedans... Ça peut être assez, comme un troc. Ça peut être plus rapide si tout le monde le joue tank. Oui, le ça joue peut tank. Être assez rapide, effectivement. Excellent. Donc, c'était le premier jeu. Et là, on va parler de d'un deuxième jeu en même temps. On va essayer de prendre des photos en plus en dedans pour montrer le matériel, parce que le matériel est beau aussi, je dois l'admettre. Excellent. On va faire ça pendant la pause musicale pour WizWar. Puis là, pour Chicane dans la cabane, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ça, c'est un jeu. C'est marqué 20 minutes sa boîte, mais sérieusement, 10-15 minutes, puis t'as fait ta partie. Game. Oh, okay. C'est une game qui joue en 3 manches. Okay. Tu te fais. En plus, le jeu est designé pour ceux qui aiment l'esthétique puis ceux qui aiment le gaming. Donc, les fans de Sims vont être un peu conquis par ce jeu-là parce que tu fais un appartement. OK. À partir de tuiles qui sont recto verso. Tu peux les choisir les pièces comme tu veux les mettre. Il y a un token Cthulhu. Oui, entre autres. Moi, je suis. Et le jeu, c'est une douzaine de monstres. Okay. Dans Chicane dans la cabane, c'est des monstres. Okay. Donc, on a un magicien evil, on a. Un mutant avec un truc radioactif, un Toulouse miniature, un alien, un chat avec une mitraillette, des marmottes kamikazes. Donc, on a un peu C'est donc bien réaliste, ce jeu. Ah oui, on a même un petit Link ou un quasi-Link. On peut voir ici un wannabe Link. wannabe Link. Has-been Link. Donc, le jeu est hyper simple. Le but... C'est qu'on cache 2 jetons. On reçoit tous 2 jetons secrets qui correspondent à des figurines qu'on a sur le plateau. Et c'est, on tue tout le monde sur le plateau. Il faut qu'il reste juste un survivant. Donc, chacun son tour, soit qu'on le déplace sur une autre case avec un autre monstre, ou on tue un des 2 monstres qui sont ensemble. Donc, tranquillement pas vite, le donjon, il y a l'épidémie, tout le monde meurt, c'est la catacombe. Il reste rien qu'un survivant. Donc, à partir de là, on compte les points. Le survivant vaut 10 points. Après ça, l'avant-dernier qui est mort, il en vaut 9, ainsi de suite, jusqu'à 0 points. Okay. Donc, ouais, on fait 3 manches et le grand gagnant est celui qui a le plus de points sur les 3 manches cumulées. Ouais, c'est bon, j'aime ça. Sérieusement, 10-15 minutes. Puis, pour l'avoir fait une couple de fois, on se disait, ah, une petite game, une petite finie, une petite dernière à minuit, moins 10, moins un quart. Puis, on était rendu encore 1h30 à jouer. Puis, avec 3-4 bières. De la revanche. C'est, oui, on peut faire non, ça. Non, c'est parce que là, il aime ça qu'on parle de lui. Fait qu'on va en parler. Mais t'sais, j'ai un beau deck aussi chez nous. J'ai fait sur mon deck. Mais on peut le faire à la revanche également. Bon. Puis ça se joue facilement. Puis ça prend pas de place. Tu mets ça fait sur le coin. C'est quoi ton adresse, Louis-Étienne, pour ton deck? on a besoin de ton adresse postale. Oui, mon adresse postale. Non, je vais vous référer à la revanche. Ça va leur faire plaisir. Puis en plus, ils ont de la bonne bière. Donc, ah, voilà, voilà. Et du cidre. Et eux ont également. Pas de chicane. Il n'y a pas de chicane dans la cabane. Chicane, dans, dans le donjon qui offre une variante où tu as un coffre au trésor. Et si tu réussis à te sauver avec le coffre au trésor, tu as un 10 points. Hey, mais évidemment, wow, si tu te sauves, tout le monde sait que c'est ton bonhomme et ils vont tout te taper dessus. Fait ok, que, ouais. C'est un peu plus dur. Parce que personne ne sait c'est qui t'es les deux à toi dans ce jeu-là. Fait que okay, faut que tu aies une poker face un peu. Oh, fait que c'est comme le poker. Un peu. Avec ta face. Ludique. Non, Luduc. Non, mais ludique, Luduc. Sans argent. Là, ça paraît c'est que bon, moi, je suis en train de prendre des photos, là, parce que là, il ouais, parce que tu plus de contrôle. Pas trop, pas de contrôle, là, on attend plus, là. C'est, Parlez, parlez. Non, là, c'est à cause que qu'est-ce qu'il dit pas, c'est qu'il est encore choyé par le ch'touloulou qu'il a vu. Ah oui, regarde. Ah, là, tantôt, quand il a entendu parler ch'touloulou, il était comme... T'as même pas mis le robot ménagère. Oh, wow. Moi, c'est les belettes que j'aime. Il y a comme des petites kamikazes, oui. Ouais, il y a une belette avec un bandeau de Rambo, là, c'est... Ah ouais, ouais, c'est non là-dessus, puis ça joue tout seul, là, je veux dire, ben, 5-10 minutes. C'est le fun aussi, le genre de jeu, justement, où on ouais, peut, ouais, où ça va vite, les petites parties rapides, là, parce c'est que moi, j'aime bien les jeux de longue haleine, où on peut prendre notre temps pour jouer. Mais les petits jeux comme ça, c'est le fun, on sort ça, justement, après souper, c'est ça, avec un petit verre de vino ou autre et digestif. Si je ne me trompe pas, c'est un joueur de 3 à 8 joueurs, mais ça joue... Honnêtement, j'ai déjà fait à 2, puis ça joue très bien également à 2. 3 à 6, on me dit. 3 à 6, c'est bon. Ah, on me dit, la boîte me dit. Tu as dit, oui, ça hey, fait du sens. Ça donc, fait du sens. 3 à 6, mais c'est sérieux, tu peux jouer également à 2, puis il n'y a pas de problème, puis ça joue très bien. Excellent. Merci beaucoup, Louis-Étienne, d'être venu nous parler de ça. Puis là, je vais prendre, là j'ai pris des photos du set de Panique d'Ankaman et de Wizwar. C'est Chicane dans la chicane Panique. Effectivement. Tu vas te faire chicaner encore par merci Danny. Oui. Par Danny. Je m'excuse, Danny. Donc, Chicane d'Ankaman et Chicane dans le donjon. Bon, on l'a pas sous la main, mais je vais en profiter pendant la pause musicale pour prendre une... Mais en fait, avant de partir en pause musicale, on va reparler avec M. Luduc. On oui, va parler justement de musique. M. Castagan, j'espère que tu es prêt. En tout cas, le temps qu'on va parler, tu vas pouvoir... Je m'attendais à une pause, moi. Ben non, pas encore. En fait, on va parler de musique. Oui. Mais là, on va revenir justement à notre sujet YouTube. Oui. Donc, musique, YouTube, monsieur Luduc. En gros, oui. Donc, un top 5, c'est quoi? Ben, c'est 5 le top 5 des parodies. Des musiques qui sont trop parodiées. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a toujours des musiques qui reviennent et reviennent, mais elles sont tellement virales sur YouTube que les gens décident de faire des parodies. Quand on parle de parodies, on parle de Barely Political, on parle de... un paquet d'autres, là. Fait que... c'est bien répondre, bien répondre. C'est ça, là, on dirait que là, mais en ce moment, j'ai comme un blanc, là. Ouais, moi, mais je vais... fait que... fait que, JC, je vais te demander de commencer le décompte. Fac numéro 5. Alors, Andrew, tu peux commencer la musique du numéro 5. Et oui, la musique de Miley Cyrus, Wrecking Ball. Le vidéoclip où on la voyait nue sur une boule destructrice. Ça fait nu? Ben, ça dépend des plans séquences. Pas tout à fait, mais... En tout cas, mais mettons que j'aurais aimé ça qu'elle soit pas nue. Ça reste que ma paradis préférée, c'est celle avec Antoine Bertrand. Oui, oh, oui, oui, totalement. Ben justement, le Bye Bye, le dernier Bye Bye avait parodié ça avec Antoine Bertrand, qui meilleur était un chef d'œuvre selon moi. Ah oui, c'était vraiment beau. Il se met à croquer dans son marteau. J'avais plus envie de coucher avec Antoine Bertrand qu'avec Miley Cyrus. Oh moi. Boy. On dirait que moi, c'est drôle, mais on dirait que Miley Cyrus joue encore Anna Montana dans la tête. Là. Fait, ouais, que, ben... fait que on va y aller à... Oh, OK, là, je te vois, Mike. Ben là, t'es comme là, enjoué c'est... par la musique. Là. Ah, OK, on va y aller avec le numéro... 4. Et oui, c'est Eyeless avec What Does the Fox Say? Hein? Ça, il y a Ryan Higa-Niga qui l'avait parodié. On a eu Barely Political, il me semble qu'il l'avait parodié aussi. C'est ça qui est drôle, c'est que la toune est ridicule de base, mais oui. Elle a été quand même parodiée. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'il y a même un vidéoclip qui disait What Megan Fox Say. Ça m'a tellement fait rire. Ah ben. Cette toune-là, en fait, okay, c'était pour ouvrir un show. C'est que Elvis a un show télé, puis que pour l'ouverture d'une nouvelle saison, il a fait une toune qui est celle-là. Puis c'est cette toune d'ouverture d'une émission de télé. C'est ça. Ça a éclaté, là. C'est... Ouais. Spécial, puis ils l'ont comme adapté finalement. Non, c'est le clip, tout ça était fait pour la télé. Hein? Ils ont mis ça sur YouTube, puis ça fait de la buzz. Mais voyons donc, toi. Au Danemark, leur émission. Ah ça se peut. Pas tout très bien, là. Maintenant, rendu dans ce bout d'informations-là, je viens de me perdre, mais c'est pas que c'est correct. Je te remercie, JC, pour l'information. Sérieusement, on va t'inviter plus souvent, je pense, à l'émission. Tu sais, je suis en train de décider à la place des autres. Alors, on y va pour le numéro. J'ai aucune idée pendant ça va être le bon. J'ai pas le nom, j'ai juste des chiffres. C'est parfait, ça. Ben, c'est 3. Non, mais je parle... Les autres, j'avais les noms de tunes, tandis que là, j'ai soit Tumblr, LXV9T6X, oh, ou 518-23-0971. C'est mon numéro de téléphone, ça. Fait que... JC, on te rappelle qu'un million de personnes t'écoutent. Au moins. C'est ça. Fait que je vais en mettre un, mais j'ai aucune garantie que ça va. C'est parfait. On va faire un guess. On va s'adapter. Donc, la loto-chanceuse... Non, c'est le numéro 2! Attendez, je vais faire on un va fondu. Revenir avec le numéro. Non, mais je vais faire un fondu habile. Ah, c'est bon ça. Check bien ça, stock time. Ça va tomber sur le numéro 1, je te gage là. Non, la bonne là. Ah, yes! Alors, le numéro 3, qui est fait par Carly Jep. Oh, pardon, j'ai de la misère avec le nom. Carly Rae Jepsen. Call Me Maybe. Ah oui, c'est ça. La toune qui est apparue un petit peu après Gangnam Style. En même temps que Gangnam Style. C'est-à-dire que la musique parle d'une fille qui est en train de stalker carrément son voisin et qui tombe la tondeuse en chest. Ça m'arrive tout le temps. Oh, ça nous arrive toutes, Mick. Fait que, il y a là, JC qui me regarde, il est de plus en plus bizarre. Je reviendrai plus. Mais, avec sa chevelure de prince. Mais non, c'est ça. Ça a été une parodie. Ça a été une toune qui a été parodiée aussi par le YouTube Rewind 2013. Ouais. Qui a été refaite par Felicia Days. Et ça a été vraiment un franc succès à un tel point que tout le monde l'a parodié. On y va avec le numéro 2. Là, c'est le temps d'aller voir sur l'autre. Et voilà, tout le monde attendait avec impatience. Il fallait absolument la plugger. Psy Gangnam Style. Excuse-moi, je vais monter le son. Vas-y fort. Ouais, t'as vraiment pas entendu assez souvent. Non, mais j'avoue que ça a été un des plus gros boss que j'ai vu de ma vie, ouais, ce gars-là. Parce que le volume était plus bas que les autres, fait que fallait que je monte un peu le son. Mais j'avoue que j'ai vu des shows live de ce gars-là. Il y a tellement de monde qui saute pendant la toune que les caméras steady, les steadicam, ouais, shake. Ben oui, donc. C'est l'enfer. Faites une recherche Gangnam Style live sur YouTube. Sérieux? Puis quand vous tombez sur un show en Corée, dans la scène, tu vois les caméras au bout de la scène sur des rods de métal accrochées après la scène. Puis le monde, il saute pendant le refrain. Tu vois la caméra qui fait... Surtout le bout où il se met en chess. Ça, c'est drôle. Ça, il avait même fait avec... Étant donné que c'était une icône, il avait fait une toune pour les Jeux Olympiques. Je me souviens bien après ça. Ouais, il avait fait une toune qui est vraiment très bonne. Excuse-moi, je peux pas passer à côté de ça. Il y a une Anne Lévesque qui écrit... Oh mon Dieu. Ah, JC, ta maman t'écoute. C'est-tu cute? On salue la maman de JC. Ben, on salue la mère de Monsieur JC. JC, pourquoi t'es rouge, Lévesque? Je ne pouvais pas passer à côté, je m'excuse. Ben, cette émission est aussi une présentation de la maman de JC. Fait que, bonjour. Voilà, on la salue. Et là, mesdames et messieurs, il est temps de passer. Non, il reste le numéro 1. Il reste ça. Oh, numéro 1. Mais non, mais hey, JC, c'est ta job, c'est ta job. Oh, Mike. Ben, c'est le numéro 1, là. Enchaîne. La fameuse toune. Let It Go, même de Nostalgic Frozen. Ça me rappelle de quoi, ça, qui? Récemment? Nostalgic Critics. Nostalgic Critics avait fait une toune pour justement mentionner à quel point il était tanné des parodies de Frozen. Et cette toune-là a été utilisée au niveau des parodies écrites, mais aussi au niveau des... Il y a eu beaucoup de chanteuses qui ont décidé de la chanter. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs versions, des petites filles qui chantaient ça, il y a eu des versions chorales, des versions un paquet d'affaires. C'est une belle chanson. C'est une belle chanson. Il y a du monde qui l'ont bien eu. Oui. C'est pas juste des parodies, genre, c'est humoristique, il y a une bande qui se mettait le cœur là-dedans, puis c'était bon. Là, ah oui. Et tout le monde se rappellera de la fameuse parodie Fuck It All. Ah oui, Fuck It All. C'était comme un petit peu... Non, c'est toujours le fun de rendre des c'était affaires très général, trop comme. Clean, ouais. Dirty. Moi, je trouve ça c'est fun. Ça. Mais en gros, c'était simplement pour... c'était une parodie de... Oh, laisse qu'on se laisse aller. Let it go, let it go. Voilà, j'ai une film à la maison. Oh non, je suis moins en moins viril. Fait que... Merci, Louis-Tien. Luc, seconde, je l'ai, moi aussi. Oh, Andrew, on se fait un marathon. Moi, j'ai une fille qui l'écoute. Non, je pensais que t'allais dire j'ai le costume à mes. On va se faire un chest. Ça devient vraiment bizarre. On va se faire un chest bump viril à la Frozen. Tantôt. Est-ce que je peux donner un scoop? Vas-y donc. Ben peut-être qu'il va y avoir un prochain costume en approche dans un futur reportage de Luduc en lien avec Frozen pour le Tacuton. Ah! Tu vas-tu être le caribou ou tu vas être le gars sur le traîneau? Ben non, le caribou, non, c'est caribou. GC. Le caribou, non, ça va être GC, sans doute le caribou. Mais j'en dis pas plus. C'est lancé. Moi, j'ai un autre scoop. Ah oui, donc? Je vais faire un fade là-dessus. Là. On a fini de parler de l'été de go tout de même. Oh, ouais. Parce qu'on ne l'a pas dit en début d'émission, mais là, puisqu'on est rendu à 8h27, je vais le dire pour qu'il y ait un hype. Là. Ah ben ouais, je voulais venir là-dessus. Il y a un autre scoop en fonction de Luduc pour tantôt. Oui. Oh, Luc et moi. Oui. On va manger live à la radio. Ça va faire mal. Un délicieux piment habanero, frais, cueilli du plant de ma belle-mère. Tantôt. Parfois, j'haïs tes idées, Endo. Je sais pas pourquoi. On va faire un hommage à Hot Paper Gaming. Si on n'a pas de jeu à critiquer en même temps, on va juste essayer de survivre. Ben, on a Wiz War qu'on pourrait critiquer. Fait que là, t'as des pitons. Oh, t'as des pitons, puis il y a des ch'touloulous. Donc, mesdames et messieurs, c'est dit à la fin de l'émission, M. Castagan et M. Luduc, ingurgiteront chacun un piment habanero. Et là, inquiétez-vous pas, on a du lait. Ouais, mais j'ai eu 1h30 de char après ça à faire. On a des caméras pour filmer le tout. Oui, on va filmer ça. JC va filmer ça. Ça se retrouvera sur la chaîne Luduc, malheureusement. Malheureusement pour lui et pour nous tous. Mm. Mesdames et messieurs, il est temps de passer en pause musicale sur ces sages paroles. Et nous irons avec un autre groupe qui s'est fait connaître, entre autres, sur les internets. On parle de Lonely Island avec la chanson Jack Sparrow, que j'aime beaucoup. Coup. Yes, très bon. Dans vos oreilles, à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9, Lévis! Guys, Michael Bolton is here. Oh, great, send him in. Hey, guys. Hey. Hi, thanks for coming. Sorry I'm late. I just got caught up watching the Pirates of the Caribbean marathon. Have you seen those things? Oh, yeah, those are great. Well, I checked out the track and I loved it, and I wrote you this big, sexy hook I think you're gonna really dig. Oh, wow, that's great. Awesome. Should we just lay it down? Boys, let's get to it. Back. The night starts now. Night starts now, baby, roll with us. Chicken snapping at the neck when we rolling up. Rolling low up. Doors, ain't no holding up. Come black here. Card at the bar like I gives a fuck. Come Let on. Me shoot the eye when we walk into the set. Fuck the fellas looking jealous, play the back and get wet. Yeah, me down in my waist, shank in my sock. You either get cut, get stuffed, or get shot. This is the tale of Captain Jack Sparrow. Pirates so brave. On the seven seas, what? A mystical quest to the Isle of Tortuga, raving like sway on the ocean breeze. Yeah, that was kinda weird, but we're back in the club. Buying up the bar so the groupies show us Karen love. Motherfucking Iceman, I'm the top gunner. Heater on blast, I'm the number one stunner. Jack Sparrow. Watch your girl, cause I ain't your Mr. Nice Guy. More like the meet you, take you home and fuck you twice, guy. Yeah. All dressed up with nowhere to run. I know I make you feel crazy. Now back boy. To the good part. He was born, he yearned for adventure. Old Captain Jack, giving them what for. He's the pauper of the surf. The jester of Tortuga, but he's Davy Jones' locker. What lies in store? Yeah, I've seen the movie. Put your hands in the air and say hell yeah, come on. Captain Jack, what? Johnny Depp, no. From the front to the back, say we count stacks, come on. Davy Jones, yes. Giant Squid, wrong. Michael Bolton, we're really gonna need you to focus up. Roger that, let me try with another film. Wait, life is a box of chocolates, and my name is Forrest Gump. Not bad. major cinephile. You complete me! Yeah. Yeah. Okay. Oh mon dieu! Les Indiens nous rattrapent! Il faut faire quelque chose, mon sang! Mettez plus de chapeau dans la chaudière! Mettez la puissance maximale! PuissanceMaximale.com. Et oui, de retour à Puissance Maximale après The Lonely Island! C'est bizarre, ça! Et là, il y a Ludic et JC qui viennent de découvrir là, un ancien indicatif de l'émission. Mike, pour Luc. Oui. Ah oui. Seigneur Zorblax, le cristal de Zagandar ne réussit pas à percer les murailles du château. Ah, sale verre baveuse! Mettez la puissance maximale! Wow! PuissanceMaximale.com. Maintenant, ça, c'est en fait, c'est François G. Couillard, ancien de l'émission, en fait, fondateur de Puissance Maximale. Lui avec? Malheureusement, pas. Répétez mon lapsus de tantôt. Pas du tout, il n'est pas décédé, M. Couillard, malheureusement. Mais il a décidé de quitter. Tout à fait, voilà. Parce qu'il a une vie, lui, contrairement à moi, Piandrou. Non, c'est pas vrai. Il avait plein de nouveaux. Au contraire, j'ai trop de vie, moi. Non, c'est ça. Tu sais, j'ai des vacances. Ça prendrait t'as des vacances de mes vacances. À Mario Bros, toi? T'as fait le code pour avoir plus de vie? Non, okay. j'ai plus de chiffres, moi. Ça a défoncé le compteur. Okay. Et mesdames et messieurs, puisque nous sommes de retour, il est temps de parler de nouvelles ludiques. Ludique. Okay. Il m'énerve. Donc, mesdames et messieurs, il sera temps de parler d'Assassin's Creed de Unity. On nous dit qu'on va pouvoir décapiter nos ennemis, mesdames et messieurs. Wow, et oui. Que j'ai out. C'est malade. C'est <vrai. rire> OK, ce fret est une présentation de JC. Il fait des tatales en ce moment. Donc, on nous dit le prochain opus des aventures historiques de la gang d'Assassin's Creed. Donc, Assassin's Creed Unity fait depuis le début de sa promotion la part belle aux décapitations en tout genre, parce qu'on vous rappelle que ça va se passer pendant la Révolution française. Une pratique, donc la décapitation, une pratique fortement répandue pendant cette période de l'histoire avec la présence importante des fameuses guillotines. Donc, si certains petits malins s'imaginaient déjà en train de décapiter les soldats parisiens dans la joie et la bonne humeur, oh oui, leur enthousiasme sera douché par les déclarations récentes. Donc, en fait, on ne pourra pas décapiter. J'ai mal lu le titre. Oh, on ne pourra pas. On ne pourra pas. Je suis déçu. J'étais tout content de lire cette nouvelle-là. Non, mais ça coûte que ça. En même temps, je m'imaginais un petit peu les sessions de brainstorming d'Ubisoft là-dedans. Là, tu sais, je me dis, ouais! Plus de décapitation. Avec un pichet de bière de la revanche, tu sais, ils sont tous en train de brainstormer. T'sais. Non, c'est ça. Mais là, malheureusement, on ne pourra pas le faire, je suis déçu. Bon, je suis en train de me faire un hype pendant que je lisais ma nouvelle. Voyons, coudon, t'as tombé de la joie à décapiter du monde, t'as là. J'ai une vie des plus bizarres. Ah ouais. Mesdames et messieurs, Jack l'Éventreur. Non, t'as vu les couleurs dans mon appartement? Ah oui! C'est assez joyeux. C'est assez Jack l'Éventreur. Dans un grand 1,5, du orange, du vert, du mauve et du jaune. C'était digne d'un IW. Avec des petites taches d'eau de Javel. Ouais, ça c'est un problème de nettoyage un peu trop sérieux. Tu filais expérimental, avoue-le donc. Non, mais tu sais, je déménage dans un appart, un monsieur, ça fait 8 ans qu'il reste là, puis il fumait. J'ai dit, j'aimais les grands moyens. OK, ça, genre, avant c'était blanc, puis ça c'est viré orange. Là. Ah non, c'est pas de la peinture. Finalement, c'est pas de la peinture. Donc, pour revenir à la nouvelle, mesdames et messieurs. On ne décapitera pas des gens dans Assassin's Creed. Oh non, donc il y a Dan Jeannette, l'acteur interprétant l'héros de Arnaud. Qui a dit les gens du marketing me disent non, c'est pas possible, mais je vais vérifier. C'est ce qu'il avait dit aux gens. Bon, je trouve ça un peu bizarre aussi que Assassin's Creed se vende genre on va pouvoir décapiter du monde. C'est un peu bizarre comme promo parce aussi, qu'à la base c'était plus historique qu'autre chose. Ben en fait on nous dit qu'il va quand même avoir des décapitations qui vont être bien présentes dans l'épisode où est-ce qu'on va être, mais je pense pas que ce soit très graphique en fait. La guillotine dans ce temps-là, c'est le monde qui se faisait couper la tête. Non, mais c'est ça. Donc, mais de toute façon, même dans Assassin's Creed, on tue des gens, c'est fait de loin, il n'y a pas trop de détails non plus. Donc, ça m'aurait bien étonné, justement. C'est pour ça que j'ai lu la nouvelle. Si vous voulez de la décapitation, jouez à The Witcher. Ouais, non, oui. C'est ça. C'est un autre game, carrément. Non. Moi, j'ai une nouvelle. En gros, c'est ça. Pour finir, j'avais pas terminé. C'est ça. On nous dit qu'il va quand même y avoir, dans certaines cutscenes, et j'imagine pendant qu'on se promène, là, si on arrive sur des lieux, justement, d'exécution, mais votre personnage ne pourra le faire, mesdames et messieurs. Heureusement pour certains, malheureusement pour d'autres, le débat est lancé. Monsieur Castigan. les combats de Dragon Age Inquisition ont été dévoilés. Oui! À l'aide d'un trailer. Et au début, j'ai regardé, j'ai fait « Yeesh! » Puis après ça, dans la deuxième partie du vidéo, ils ont montré une autre façon de jouer que j'ai fait « Ah! » Ben, il y a la façon, tu sais, vraiment axée action. Oui, ben, en fait, ils ont compris quelque chose. Ils sortent un jeu multiplateforme. Et là, c'est ça que le monde avait beaucoup décrié avec Dragon Age 2, qui était axé vraiment plus gameplay console. Le monde sur PC, il jouait, il faisait comme « c'est pas comme le Dragon Age que je connais », puis tout ça. Tandis que là, avec Dragon Age Inquisition, on peut jouer en mode action, troisième personne, donc vraiment être dans le feu de l'action avec son personnage et laisser l'intelligence artificielle gérer les autres personnages. Et il y a un mode stratégique, vu d'au-dessus, où on peut mettre le jeu en pause et contrôler chacun de nos personnages, comme Dragon Age 1. Voilà. Fait que là, j'ai fait « Wow! BioWare, vous faites ma journée! » Ben, c'est un heureux retour à ce style de combat-là. J'avoue que pour le côté dynamique, genre en plein dans l'action, quand on a une manette entre les mains sur console, ça va très bien. Mm. Mais tu sais qu'on est habitué au bon vieux RPG, justement, à la Neverwinter Night, ces trucs-là. Bon, on aime ça y aller, justement, en mode tactique, un à un. J'étais très content. Je vais dire quelque chose, parce qu'on a quand même craché un peu sur EA, mais je sais que c'est majoritairement BioWare, mais tu sais, c'est quand même publié par EA. Le fait qu'il y ait eu l'implantation de ce gameplay-là, c'est à cause que les fans l'ont demandé. Ça suit la tangente de ce qu'on disait avec le 3, que les compagnies commencent à écouter leurs clients. Je dis bien, commence. Ben, cette année, en tout cas, comme on avait parlé lors de notre spécial E3, c'est, ma foi, bien entamé, ce réel dialogue entre l'industrie et les joueurs. On va espérer que ça va continuer, que ça va vraiment se concrétiser une fois les jeux entre nos mains, parce que... Fait que je vous dirais là, que ma copie était réservée de Dragon Age Inquisition, parce que j'ai vu la version collectionneur, j'ai fait je l'ai. Qu'est-ce qu'il y a déjà avec les versions? C'est un coffre. C'est vraiment un coffre avec un compartiment caché, des cartes, des fioles, une plume, un an. Ah, c'est cool. Du plein d'affaires de main, c'est vraiment nice. Combien ça, ce collecteur-là? 200$. Combien? 200$. Okay. J'ai pas entendu. 200$. Ah, OK. Faut être dans un eBay game, puis tu lâches 200 pets, puis tu l'as. 200 pets? Okay. Mon Dieu, faut que t'en manges des bines. Ouais. Ah, calvasse. On est déjà rendu là. On est déjà rendu là, Mike. Là. Non, déjà, c'est n'importe quoi. Mais on est pas sûr. On mange du chouche. Du chiche cabale. Du chiche théo. Ah non, c'était ça. Ah, je me suis trompé. Bon. Autre nouvelle, mesdames et messieurs, on va parler de Warcraft. Quelques informations sur le film. Oui. Bon, moi, je sors. Non, en fait, moi, j'aime beaucoup l'univers Warcraft. Je traite moins ces jeux, mais j'aime beaucoup l'univers. En fait, lors du San Diego Comic-Con qui a eu lieu la semaine passée, on a donc communiqué, la gang de Legendary Pictures a communiqué autour du film, lancé un communiqué autour du film sur Warcraft, dont la sortie est prévue pour 2016. Donc, c'est pas pour tout de suite. Donc, la vidéo présentée à cette occasion n'est pas encore disponible sur le net. Peut-être que... Il y a comme un teaser qui dévoile le logo, mais ça, c'est... moins intéressant. Ouais. Donc, il y a une vidéo qui a été présentée là-bas. Donc, on nous dit qu'on chez lesjeunesdevideo.com qu'on y découvre notamment un humain vêtu d'une armure de l'Alliance, se demandant s'il ne devrait pas consacrer plus de temps à protéger son fils que son roi. Un orque pense à succession et semble lui aussi en proie au doute. Fier d'avoir mené de nombreuses batailles, celui-ci se demande s'il en devient un meneur pour autant. Une fois passées ces deux séquences d'émotion, la guerre reprend ses droits. J'aime ça de la façon qu'ils écrivent sur le site, c'est une nouvelle. Mais... Ouais. Et c'est sûr, une grande bataille mêlant magie et corps à corps que le trailer se poursuit. Donc, on a vu l'acteur Ben Foster dans le rôle du sorcier Medivh. Voilà, donc c'est ce qui avait été présenté. J'aurais aimé ça voir ça. Je l'ai toujours dit, moi, les univers riches de Medieval Fantasy, ça m'intéresse toujours. J'avais lu un ou deux romans de Warcraft que j'avais pas détesté du tout, du tout, du tout. Mais malheureusement, c'est ça, les jeux... Ouais, c'est un petit peu touché parce qu'on sait jamais combien qu'ils vont traduire ça en film parce qu'il y a beaucoup de films qui ont tenté de reproduire l'univers de jeux vidéo que ça a été carrément massacré. Mais des fois, les mots de la bouche là. Je m'excuse, mais Mario Bros, ils ont juste pas essayé de présenter l'univers de Mario. En fait, fait, pour les gens intéressés qui ont jamais vu ou qui veulent revoir peut-être des séquences de Mario Bros avec un œil critique on the side, je vous suggère sur justement on parle de YouTube. Nostalgia critique, je pense qu'on l'a fait. Je vais vous suggérer un Français qui faisait ça sur la chaîne de jeuxvideo.com qui faisait des capsules qui s'appelaient Crossed, donc C-R-O-S-S-E-D, et il parle de plein de films qui touchent à l'univers du jeu vidéo. Il parle entre autres de L'Enfant Génial, The Wizard en anglais, qui est le petit bonhomme autiste qui parcourt les États-Unis pour se rendre en Californie pour pouvoir aller jouer au nouveau jeu qui est Super Mario 3. Bros 3, oui. Ouais, c'est ça. Donc, il parle de ce film-là et plein d'autres films. Je vous invite, d'ailleurs, pendant la pause musicale, je vais vous trouver ça sur YouTube. C'est très, très, très intéressant. Ouais. Il parle du film en tant que tel et c'est souvent, on s'entend que la plupart des films tirés d'univers de jeux vidéo qui en parlent sont... Il n'y en a pas beaucoup qui sont très bons, on va dire ça comme ça. Et ouais. C'est intéressant de revoir ces images-là et d'entendre ce bonhomme-là parler des films, dont Mario Bros. En revoyant ça, j'ai fait « Oh mon Dieu, que je suis pas prêt de regarder ça », même pas pour des raisons genre « Ah, ça va être drôle de voir ». T'as jamais écouté Mario Bros? Ça fait des années et plus jamais. Oh non. C'est comme une torture rendue à cet âge-là. Mais on s'était promis de l'écouter de notre côté. Ouais. Ben, tu sais, j'ai revu des images dans les capsules dont je viens de vous parler. J'ai fait, oh mon Dieu, c'est vrai, c'était comme ça. Tu sais, j'ai vu Yoshi. Yoshi est un petit T-Rex, là, une affaire de main. C'est un petit vélociraptor. Puis là, ils viennent tous avec des petites têtes. Donc, si ça vous intéresse de réentendre parler de ces films-là, mais tu sais, avec. Des fois, tu sais, il y a des trucs historiques autour à propos de la réalisation. C'est toujours intéressant, des fois, de savoir pourquoi ça a été un navet. Donc, voilà, vous pouvez aller voir ça également. Donc, pour Warcraft, j'ai hâte de voir. Mais, en tout cas, je suis pas très calé. Ça se peut que j'apprécie beaucoup, mais que j'aille le voir. Puis que le monde dise, ouais, mais ça n'a pas rapport avec l'univers. Mais je fais, bon. On verra bien. Donc, ça a été lancé lors du San Diego Comic-Con la fin de semaine passée. Monsieur Castegan, nous allons peut-être retourner, oui, nous allons retourner en pause musicale et au retour, le dernier top 5 de Monsieur Luduc. Et pendant la pause musicale, je pense bien qu'on va préparer les caméras parce que ça en vient rapidement à la fin de l'émission et le fameux défi du piment habanero. Et là, je pense qu'on va y aller pour une double pause musicale, Monsieur Castegan, le temps qu'on se prépare. Donc, on va y aller avec Batman vs. Sherlock Holmes de Epic Rap Battle of History. Et se suivra une autre chanson de Smosh qui s'appelle Ultimate Assassin's Creed Song. Deux très bonnes tunes. Ouais, je l'aime beaucoup aussi, cette chanson-là, même si le jeu, je ne l'avais pas beaucoup aimé, mais la chanson est bonne. Donc, c'est lancé sur puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9, Lévis. Youpi! Sherlock Holmes! Was it? Batman! Nice hat, dork. You look like a duck. I had Alfred read your books. He told me they suck. I'll crush your British nuts until they're bangers and mash. I see better detective work in Tango and Cash. You jump, I kick punks like you up the streets. While you and Velma here solving Scooby-Doo mysteries. Nothing makes me laugh, but I bet your raps can. So bring it on, bitch. I'm Batman. I once met a rich fellow who smelled of guano and pain. Holmes, explain. I deduce this deuce stain is Bruce Wayne. The billionaire. Yes, his wealth would allow this adversary of ours to afford the toys he needs. Since he has no superpowers. You want a battle bat? Bring it down. I heard he has a British butler. Good, then he'll be used to getting served by Englishmen. You're a whack vigilante black-pantied spud with no skill. My sidekick's a doctor. Because his flows are so ill. Shut up, nerds. I serve justice, so eat it. My sidekick only comes around when he's needed. Boy, wonder make a wonder how your ass got killed. Fight harder than those hounds down in Baskerville. I'll bless you with that bat whack rock repellent. Repel a bill, that's your bill, and I might get up and chillin'. Got a cigar by your homegirl, Irene Adler. Go back to my nest of Ben Parker splatter. I'll shatter that fiddle with a chop of the hand. Holy Conan Doyle, let's get him. Oh, goddamn. You're not smart, you're selfish. You endanger everyone's life. Why don't you let your boyfriend here go home to his wife? Nobody likes you. Not your brother, not your partner, not Scotland Yard. You'll die alone with no friends except that needle in your arm. This mustn't register on an emotional level. First, exploit childhood tragedy. Then gesture with pipe. Watson finishes punchline. Next, acknowledge compliment. Conclude with killer catchphrase. I believe your parents' homicide is why you mask your face. You're shamed and traumatized and haunted by the vast disgrace of watching like a passive waste as mama died and daddy was dispatched with haste. Holmes, you've cracked the case. You're a batshit crazy basket case. Bloody good rhymes. I've got tons. Dissing these dynamic douchebags was elementary, my dear Watson. Oh! Hold on! Who's that? You just are! How many fools can I kill today? Too many to count on. don't get in my way. I shoot a mofo in the throat with my bow. Tomahawk chop is my death. Freedom fighting machine, big ass hatchet in hand. Why'd you have to kill my bros? I'm a slasher face man. I'm a very skilled assassin, killing dudes in ones and twos. Blood flowing like a river, need a box of tissue. When I'm hunting, I be stunting, you could never find me. In the bushes, in the haystacks, in your mother's laundry. Watch me coming free, running up the walls like a boss. What you looking at, bitch? Trace my tomahawk chop. How many fools can I kill today? Too many to count, don't get in my way. Shoot them all four in the throat with my bow. Tomahawk chop is my death blow. How many fools can I kill today? Too many to count, don't get in my way. Shoot them all four in the throat with my bow. Tomahawk chop is my death blow. Tomahawk, tomahawk. Tomahawk, tomahawk, tomahawk, tomahawk, tomahawk, tomahawk. From Boston to NY, always up to no good. Don't know how I can see out this big ass hood. Walking through the crowds, touching you on the back. Using my hidden blade for a secret attack. Jumping off of giant buildings like I was a Superman. Use your mama as a meat shield every time that I can. Take a break from the war to hunt for some meat. What? A man's gotta eat. How many fools can I kill today? Too many to count, don't get in my way. Shoot them all four in the throat with my bow. Tomahawk chop is my death blow. How many fools can I kill today? Too many to count, don't get in my way. Shoot them all four in the throat with my bow. Tomahawk chop is my death blow. Tomahawk, tomahawk. Tomahawk, tomahawk, tomahawk, tomahawk, tomahawk, tomahawk. Oh, first in the verse, feel the clack of wooden teeth. Bread and butter, lift the covers while you find the f***ing heat. Revolution I lead, with the world I got beat. I take my wings powdered, wear boxes, outerwear breeds. You can't step up to me and my gang. Horse and carriage drive-bys, bullet in the chain. Riding over your clique, like the Delaware son. I get my face on the dollar before this is done. Bonjour, je suis Louis-Philippe et vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale, mesdames et messieurs. Après ces deux chansons, vous avez entendu Batman vs. Sherlock Holmes de Epic Rap Battle of History. Et tout de suite après Ultimate Assassin's Creed 3 Song par Smosh. J'aime ça prendre ma voix de DJ FM. Et là, mesdames et messieurs, il est temps de passer au dernier top 5 de Monsieur Luduc. Oui. J'ai une idée machiavélique, soudainement, qui m'apparaît. Oh, qu'est-ce que tu vas me sortir, toi, là? Pourquoi pas le faire avec un piment arbeno dans la bouche? Oh, non. Attends, ah, oui. Hey, ça, c'était supposé être à la fin, ça. Pendant le top 5. On va prendre Andrew aussi, il va faire sa technique en même temps. Attends, fait que là, égal. Andrew devra subir. Ah oui, il subit. Ah, là, sauf que là, je voulais prendre mon temps, mais là, si j'ai ça aussi dans la bouche, c'est pas encore, c'est pas mieux. Ça va là, par exemple, je vais mettre quelque chose au clair, Luc. Ouais. Exemple. Fais pas la technique du tu te le mets dans la bouche et tu l'avales comme une mouette qui mange une saucisse hot dog. Là. Ok. Faut que tu le mastiques, là. Faut que tu le goûtes. Tu l'avais démasqué. Il connaît son arme. Non, c'est ça. Donc, messieurs, est-ce que le défi est accepté? Le défi est accepté. Oh, le défi est accepté. Oh, mesdames et messieurs, c'est lancé. Il y aura ingurgitation de ce piment. Oh, j'ai tellement peur. J'aimerais rappeler aux gens que j'ai comme 1h30 de voiture à faire et ça risque d'être très déplaisant pour... Ouais, mais by the way, moi, je me suis déjà préparé. J'ai enlevé la queue de mon abonné. Ah, OK. Ben question moi, de me le mettre dans la bouche d'un trait. Bon, mais messieurs, puisqu'il ne reste que 9 minutes, nous devrons y aller. OK. Fait donc, que... Fais-tu le décompte, toi? Ah oui. 1, 2, 3, go! Oh, des deux côtés, de c'est toute beauté, c'est bon. Fait qu'on commence avec le numéro... Ah, oh, ça commence. On voit les rougeurs apparaître. On commence avec le numéro 5. Qui sont toutes les chaînes reliées à Normal Boot. Ah, oh, ça commence. Dans là, je parle de John Tron, de Peanut Butter Gamer et Didino Gaming. Ouais, Didino Gaming qu'on connaît à l'émission. Qui est vraiment extraordinaire, mais ça paraît pas dans ma voix en ce moment. Oh, Andrew est très rouge à ma droite. Ouais, Didino Gaming qu'on connaît, qu'on aime bien à l'émission. Ouais, hein? Moi, je m'en fous pas mal. On continue avec le numéro 4. Oh, j'en pleure, man, je vous dis rien. J'en bave. Oh, boy. Le numéro 4, qui est Tom Ska, qui est réputé pour... J'en bouge pleine, man. Prends ton temps, prends ton temps. Ben oui, prends ton temps. Mastique. Oh, oh, Andrew, de son côté. J'en transpire ses joues. Non, mais... Bon, ah ouais, bon. Il embraye. Tom Ska, qui est réputé pour ses ASDF... Wow. Ah, film. Et que vraiment il fait des très beaux vidéos, très bien reconnu. J'enchaîne avec le numéro 3 qui est Lindsay Stirling. Oui. Qui fait ses shows très très très très réputé pour ses talents de joueuse de violon. Oui, elle est très bonne, Lindsay. On est très contente pour elle. Continue dans tes études. On continue avec le numéro 2, Freddy W ou bien Rocket Jump. Oui. Réputé pour ses effets spéciaux très très réalistes. Solides les effets spéciaux. En équipe avec Brandon JLA. Très très. Je l'encourage dans ce qu'il fait. Et réputé pour la série High School Video Game. Oui. Qui est, que je pense qu'il a gagné un prix l'année dernière. On y va maintenant avec le numéro 1 qui est Epic Rap Battle of History. On a entendu une toune tantôt. C'était écœurant. Ils ont terminé leur saison 3 il y a quelques semaines. Et on est vraiment contents pour eux autres. Fait que sur ça, est-ce qu'on a réussi? C'était la fin de mon oui, montage. Oui, est-ce que oui, c'est oui, réussi? Félicitations. Ouais, ouais, ouais. Ah, désolé, je suis capable. Vous avez le droit de boire, votre lait, messieurs, pour calmer le tout. C'était capable d'ouvrir. Vous avez vérifié la date sur les laits? Je comprends pas pourquoi. Et là, lui dit que la misère à ouvrir son contenant. Les laits sont pas périmés. Non, ils sont pas périmés. Ça serait bien. Ah, là, j'aurais été. Ça serait assez sous Sunday. Il caille dans la bouche quand tu le bois, là, mais. Oh mon Dieu. Hey, messieurs. Oh, ça fait du bien. Ça a été tout qu'un moment de divertissement. Hey, j'en ai une qui coule, là. Je dois faire un clin d'œil à Alexandre. Non, pas de clin d'œil, tu me fais. Qui dit je le confirme que c'est pas le fun. Ah, j'ai déjà essayé. Tu sais, vous pouvez vous faire des brûlures réelles. Ouais. On est un peu niaiseux. Et moi de répondre. Je sais. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'est fait. Défi relevé par Monsieur Luzuc et Monsieur Andrew Castegan. Je pense qu'on a du lait sur place parce que. On y a pensé avant d'aller au studio parce qu'on avait juste de l'eau de prévu, ce qui n'est pas la meilleure idée. Écoutez, messieurs, merci pour ce divertissement. Et c'est déjà la fin de Puissance Maximale. Merci à JC, à la caméra, bien évidemment, parce que ça va être immortalisé. Ah oui. Je veux juste finir en disant Andrew, je t'haïs. Avoue que Charles, il y a une coche à date dans les choses qui te fait goûter. Vas-y, prends ton temps, tu peux. Oh. J'ai plus rien à dire, je veux plus venir ici. Voilà. Donc, sur ces paroles les plus intelligentes, c'est la fin de Puissance Maximale, mesdames et messieurs. Je tiens à remercier M. Andrew Castegan qui est à la console et qui prend son lait pour se calmer l'estomac. Monsieur Luduc. Plaisir. Monsieur Luduc qui est passé avec son camarade et collègue JC. On a besoin d'autre lait, moi, là. On va aller chercher ça. Ça brûle encore, Mick. Monsieur Louis-Étienne Dégagné qui est venu me parler de Wiz War et de. Je me rappelle pas. Chicane dans la cabane. Chicane dans la cabane, voilà. Oh, ta gueule, on le sait que t'es. Excusez, je deviens violent. On dirait que j'ai frenché un dragon. Merci beaucoup, Louis-Étienne. Et mon nom à moi est Michael Michaud, votre animateur, toujours content d'être là à chaque émission pour vous parler jeu. Je vous dis en même temps que les gagnants du concours sont Émilie Blanchard pour le concours de Pink Bibi et pour le concours de la revanche, c'est madame Mitsuki Kinsei qui nous a parlé tout au long de l'émission, qui gagne 2 billets pour la revanche. Et je vous souhaite, comme à mon habitude, pardon, une excellente semaine de jeu. Now the Lord of the Rings, the dark crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tak's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa, whoa, whoa. You got a girlfriend? Yeah.